J'espère que vous avez bien kiffé encore. On s'éclate tous les soirs avec vous. On est là de 20h à 23h du lundi au jeudi et tous les soirs après l'émission. C'est Mickaël, nos limites. Bonsoir Mickaël. Salut. Eh oui, le Montpellierin est revenu. Vous êtes de retour à Paris. Exactement. C'était exactement. Comment? Ils sont chauds, hein, Montpellier. Mais très très bien. On a passé un super bon week-end. Les auditeurs étaient au top. Les gars, Fun Radio et les meufs. Il y avait du soleil. On a vu vos photos sur Instagram, mais Twitter et Facebook. Il y avait du soleil. Tu as vu un peu. Alors, tu as rencontré des filles là-bas? Bah oui, encore heureux d'ailleurs. Hein. Et puis j'ai surtout rencontré une nouvelle personne que je ne connaissais vraiment pas. J'ai rencontré Paulo Casillas, qui était dans les cages au but quand on faisait le match. Et beau quoi, beau. Est-ce qu'il y a une vidéo de ça? Bien sûr, je veux voir. Je veux voir tout de suite. Il y en a déjà une petite qui on l'a mise hier soir, et puis il y en a une autre qui arrive. T'as pris des buts? Oui, on l'a pris. Paulo Casillas, oui, on prend des buts. Hein, non, mais ça a été. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être bien, bien pire. Je trouve que Paulo n'a pas été mauvais du tout. Et voilà, donc moi j'en ai mis 3. Malheureusement, Sandro n'a pas filmé puisqu'elle a décidé d'aller faire une pause à ce moment-là. Elle faisait la sieste, malheureusement. Mais oui, on s'est bien démerdé quoi. Donc la prochaine fois qu'on bouge, ce sera sans pitié. Bah moi, j'annonce une vidéo à venir aussi, puisqu'on parle des vidéos où le doc ausculte Toff. On voit Toff dans son plus simple appareil. Oui. Comme un verre. Voilà, d'ailleurs la vidéo sera cryptée. C'est possible, mais pour être sûr. Pour éviter les malaises en direct. On va peut-être flouter quelques parties génitales. C'est mieux. Je vois pas pourquoi, je n'ai pas honte. Non mais il voudrait peut-être mieux. Tu es beau, Toff. Hein. On salue la Ligue Braille également. Merci beaucoup Karima, salut. Doc Carrel, Rancard demain, Lovin Fun 20h. À demain, bisous. Et nous on est parti jusqu'à 2h. Ciao. 23h, 2h. Mickaël, nos limites. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Exactement. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Soyez les bienvenus. On est en direct 23h, 2h du lundi au jeudi. Le dimanche également, comme hier. On a fait 20h minuit, hein, comme tous les dimanches. Et hier, on était à Montpellier. Exactement. Hier, on était à Montpellier. Ce soir, on est en direct de Paris. Ouais. Demain, New York. Ouais. Après-demain, Hong Kong. Ouais. Et en fait, non, demain, on sera toujours au même endroit, évidemment. Bon, pour ceux qui nous découvrent, eh ben, bienvenue tout le monde. Oui, parce qu'on leur a dit que le soir, c'était ici que ça se passait dorénavant. Moi, c'est Mickaël. Si vous voulez passer l'antenne, eh bien, vous êtes les bienvenus. Vous nous appelez, prenez votre téléphone, 01 42 48 5000. C'est gratuit depuis un téléphone fixe. C'est quasiment gratuit depuis n'importe quel forfait maintenant. Voilà, c'est pas un numéro surtaxé comme on peut en trouver d'ailleurs en face. Et puis, pour la Belgique, c'est pareil, hein, c'est 02 851 4x0. Là aussi, gratuit depuis les fixes, etc., etc. Enfin bref, vous nous appelez et de toute façon, on vous rappelle derrière quoi qu'il arrive. Et vous allez faire par exemple comme Flavien qui est avec nous maintenant là. Salut Flavien. Salut. Comment vas-tu? Bah, bien et vous? Eh ben plutôt bien, on est content d'avoir été à Montpellier surtout. Très très très belle ville. Bon, on y avait déjà été, moi personnellement en tout cas j'y avais déjà été. C'était déjà très bien et bah ça l'est encore plus. Donc bah voilà, merci en tout cas à tous les Montpelliérains qui sont venus notamment sur l'esplanade du lycée Joffre. C'était vendredi d'ailleurs, on a filé la PS Vita. Vous avez pas été bon d'ailleurs pour ceux qui étaient là. C'était très mauvais. Il fallait lancer des trucs dans une boîte là. Vous avez été mauvais jusqu'au moment où il y a un ouf qui est arrivé. Il a tout pris, la PS Vita est partie, tout le reste est parti. Enfin bref, bon, on passera encore dans d'autres villes, hein. Si jamais vous voulez qu'on passe chez vous, dites-nous, hein, où vous voulez qu'on passe. J'ai déjà pris une option pour Marseille fin de l'année. Bah oui, je me suis dit que faites de la musique fin de l'année, tout ça, autant aller là où il y a du sol, enfin tu vois, autant aller à Marseille quand il fait beau quoi, hein, tant qu'à faire. Bien sûr. Bah normal. Les gens sont tellement gentils à Marseille. Mais oui, en plus, on l'a bien vu avec les amis de Toff. Hein, ils sont de plus en plus gentils, évidemment. Ce gros connard va te faire enculer. Voilà. Bon, il y a Cédric aussi qui dit salut toute l'équipe. Salut. Mickaël à la Coupe du Monde en juin prochain. Ah bah bien sûr. Il y a Fabienne qui dit hello les dingos. Devers aussi, salut la team. Enfin, on va pouvoir se taper des barres jusqu'à 2h. Que du bonheur la team. Et Mams, Chacha Slide qui dit Mickaël, un morito avant l'émission. Les rageux se réveillent. Ouais, bah j'aurais bien pris un petit morito là. Tiens, surtout que j'en ai quasiment pas bu à Montpellier. Non, c'est vrai. Donc. Très sage, trop soft j'ai envie de dire, effectivement. Bon, et toi, t'as passé un bon week-end, Flavien, dans l'idée, dans l'absolu? Ah ouais, un bon week-end, super t'as week-end. T'as fait quoi? Bah, j'étais avec ma copine tout le week-end. Ah, sympa. Ça s'est bien passé. Ouais, encore malin. Ouais, bah j'imagine, ouais. Bon, du coup, Flavien, de quoi on va parler avec toi dans quelques minutes, dis-moi. D'un rêve de spiritisme. Comment ça, un rêve de spiritisme? Ça veut dire quoi? Bah en fait, j'ai fait un rêve, enfin plutôt un cauchemar. Ouais. Ça fait quelques moi que ça dure. En fait, c'est un rêve où il y a une personne devant moi. Mmh. Je dirais, ouais, une sorte d'humain, tout noir, sans visage ni rien, qui me tient les poignets. Ah. Et en fait, j'ai pas l'impression de dormir. Ah d'accord, bon c'est original. Bah écoute, tu vas nous raconter ça dans quelques minutes hein, Flavien, ne bouge pas de là surtout. Et les autres d'ailleurs, si vous avez déjà fait des rêves un peu bizarres des rêves qui font peur et qu'est-ce qui s'est passé, dites-nous, appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Sandro va bien, bien reposé du week-end? Ouais. Bon François, Sandro, il faut savoir qu'on l'a quasiment pas vu parce qu'il a roupillé tout le week-end hein. Donc on était à Montpellier et puis tranquille quoi. Elle, voilà. Elle a bien compris le concept du week-end hein. Ah ouais, ça c'est sûr. Donc voilà, plutôt tranquille. Pitof qui est toujours parmi nous, bien sûr, mais jusqu'à quand? Puisque je rappelle que jeudi, il a eu sa première plainte grâce à notre ami le Jap. Non mais je vous emmerde, je vous demande pas si votre femme elle baisse bien. Bah si, en même temps, hein, c'est... Mais je m'en branle, de vos questions de merde ou pas de merde, j'en ai rien à foutre. Voilà. D'ailleurs, faut dire qu'aujourd'hui, je suis pas rentré par l'entrée principale, hein. Je suis passé par le côté courrier, en effet. Bon, et Polo, je sais enfin pourquoi tu es toujours seul. Pourquoi? J'ai lu ça dans Midi Libre à l'aéroport, hein. C'est parce que tu es égoïste et que tu n'as pas envie d'être avec quelqu'un. Simplement rester avec le pipeau. Ce qui est bien, dans l'absolu, mais bon, ce serait mieux avec une meuf, quoi. Ou avec un mec, peu importe, avec quelqu'un. Une meuf plutôt. Bon, enfin, peu importe, après, ça ne dérange pas. Je n'aime pas les hommes. Il n'y a pas de souci. Les hommes t'aiment beaucoup, Polo. Mais c'est vrai. Je les emmerde. Bon, et comment vont les tweetos également ce soir hein? J'espère qu'ils vont bien, qu'ils sont en pleine forme. Hashtag Mickaël sur le Twitter et rejoignez-nous également, rejoignez-moi. Vous tapez Mickaël _, c'est le petit tiret en bas, Mickaël _ officiel. Vous m'ajoutez sur Twitter et si c'est pas encore fait, évidemment, je vous ajouterai également. On se suivra mutuellement et comme tous les soirs, vous allez pouvoir réagir avec le hashtag Mickaël. Et ce soir, on offrira un sextoy comme chaque soir, mais cette fois-ci au premier, comme Let's Be Freaks n'est pas là en ce moment, vous allez pouvoir peut-être justement choper votre sextoy offert par... passagedudésir.fr. Voilà, donc si vous voulez participer, il suffit d'envoyer un maximum de messages avec le hashtag Mickaël pendant l'émission. Et puis vous envoyez, plus vous envoyez de messages, plus vous aurez de chances d'être dans le top 5 et même d'être numéro 1 à la fin de l'émission. Je vous souhaite évidemment bonne chance. Je vous cale le son d'Eminem et Rihanna. Ce sera avant minuit de Monster. Ce sera même très rapidement, ça y aura aussi Fédé le Grand. Avec Long Way From Home. Et puis on va se mettre bien avant minuit avec Drake. Hold on, wait, going on. Ça me donne envie de baiser. Ah ouais. Ouais. Mais toi, du coup, t'as pas dit ça me donne envie de baiser. Non, moi je baisse pas là-dessus. Moi, il me faut des trucs plus, tu vois, plus genre... violents. Ouais, voilà. D'accord. Tu vois, d'accord. Genre Asie, là, d'accord. Ah, Asie, d'accord. Attends, parce qu'il est où celui-là? Il est... Voilà. Là, ça va. Là, je lui ramène le cul. D'accord. Oh, merci, Toff. Merci beaucoup. Bon, allez, si vous voulez participer, si vous voulez participer, vous êtes les bienvenus. Vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000. La Belgique appelle également 02 851 4x0. Et puis tous les autres pays, puisque je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent. Au Canada également, je salue tous ceux qui m'envoient des messages au fur et à mesure de la journée hein, sur le Twitter et le Facebook. Là, vous pouvez nous appeler, donc vous soyez ailleurs qu'en France ou en Belgique, au 00 33 1 42 48 5000. Et on vous rappelle évidemment. On a Guillaume également avec nous de Plomour. Salut Guillaume. Salut. Comment ça va? Bien. Bon, t'appelles pour choper la PS4 toi? Ouais. Tranquillement? Ouais. Pépère? Ouais. Bon, alors Guillaume, la règle est simple. Tu vas donc poser une colle. Si quelqu'un trouve la bonne réponse à la colle, tu repars avec que dalle. Et la personne qui aura trouvé repartira avec la PlayStation 4 plus le coffret soda. Et si jamais personne ne trouve ou que la personne qu'on appelle ne décroche pas, c'est toi qui gagne. Tu n'as pas la PS4 encore, j'imagine? Non. Ce serait bien de l'avoir pour les fêtes. Plus que bien. Et oui, d'ailleurs, en parlant de fêtes, je vous rappelle qu'on sera en direct avec vous, hein, car nous ne vous abandonnerons pas. Puisque c'est une fête de famille, nous avons décidé de la passer en famille, c'est-à-dire avec vous. À partir de 20h, le 24 décembre, on sera en direct avec vous toutes et vous tous. Donc si vous avez décidé de passer la soirée de Noël, le réveillon de Noël avec votre autre famille, c'est-à-dire les parents hein, en l'occurrence, n'oubliez pas de nous mettre dans un petit haut-parleur dans le coin de la pièce, voilà. Hein, pour qu'on puisse passer Noël en famille. Hein, donc surtout pour que les parents fassent connaissance avec nous. Au plus, exactement, on sera bien, vous inquiétez pas. Tu sais, on est le cousin dont ils ont honte. Exact, ouais. Donc voilà, 24 décembre, on sera en direct avec vous toutes et vous tous. Donc prévenez tout le monde pour ceux qui n'ont rien prévu pour le soir de Noël. Bon alors Guillaume, attention, on fait péter la colle, on t'écoute. Alors, ôtez-moi en une. J'arrive pas à lire. Ah, c'est difficile, hein. Ôtez-moi une lettre, ôtez-moi deux, ôtez-les-moi toutes, je reste toujours la même. La couille. La couille. C'est une bonne réponse ou pas? Non. C'est une mauvaise réponse, tant pis. Bon, ôtez-moi une lettre, ôtez-moi deux, ôtez-les-moi toutes, je reste toujours la même. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L espace votre réponse par SMS au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Et vous pouvez aussi jouer et lire la colle d'ailleurs sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/M-I-K-L officiel. On donne la réponse avant minuit, Guillaume, tu restes avec nous? Ouais, ouais, pas de problème. Très bien, on te reprendra encore pour les retardataires et puis pour vérifier si au fur et à mesure les réponses qui arrivent sont bonnes. Message qui est arrivé, c'est parti pour une bonne grosse soirée prometteuse. On a tous la tof attitude, petite pub pour ma page Facebook, c'est chez Dams. Bah voilà, le message est passé. Ça y est, Ruka qui dit c'est sympa de faire une émission pour les gens ne faisant rien le soir de Noël. Bah oui, en même temps, c'est une soirée familiale, c'est pour ça qu'on sera là. Et c'est pour ça que les autres ne seront pas là puisqu'ils s'en branlent de votre gueule. Angelina qui dit aussi tof et son cacatophique humour à deux balles de retour malheureusement. Pourquoi ne l'avez-vous pas abandonné avec son plastic bag à Montpellier? Parce que on aime bien Montpellier, c'est une belle ville et qu'on ne voulait pas. C'est pas une déchetterie. Laisser des déchets, ouais. Voilà, c'est ça, c'est pas une déchetterie. Il y a Mélanie qui dit bonsoir toute l'équipe. Mickaël, je vous propose de venir dans la belle ville d'Amiens. Bah, pourquoi pas. Mickaël qui dit vous déchirez tous. Allez, très bonne fin de soirée. Et Eric qui dit les rêves les plus bizarres ou flippants sont ceux où on a l'impression de tomber dans le vide et on se réveille juste avant la chute. Oui, c'est putain, vrai, ça. Ça arrive super souvent. Ouais, enfin, ça m'arrive. Il paraît que ça veut dire que t'as un arrêt cardiaque. Ah oui, pareil. Oh, c'est chaud. Et en fait, ça rebooste le truc. Et que ça redémarre. Alors c'est ce qu'on dit, etc. Hein, les gens d'urbain. Et quand t'es coincé, ça t'a déjà fait ça? Non, mais c'est celui où tu perds toutes tes dents. Ah non, ça j'ai jamais eu ça. Ah ouais, tu peux Mais c'est parce qu'un jour il va se prendre une patate de quelqu'un. Peut-être, ouais. Et c'est prémonitoire. T'as toutes les dents, qui tombent, ça m'arrive souvent ce rêve. Ah ouais. Oh. Ah ouais, tiens. Bon, bah, écoute, c'est horrible, pourquoi pas, c'est original. T'es coincé dans ton corps. Ouais, c'est horrible. Ah non, ça j'ai jamais. Vous êtes barré les mecs. Sérieusement, vous avez des problèmes. Tu peux pas crier, tu peux rien faire. Ouais, pendant tes. J'ai jamais eu ça. Et tu bouges, et tu dis, mais je vais sortir. Je n'ai jamais eu ce rêve, c'est un truc de dingue. T'avais un film. Tu vas voir que maintenant ça va arriver. T'avais un film où ils expliquaient ça, c'est les mecs, tu sais, qui sont censés être sous anesthésie pendant qu'ils se font opérer, et en fait ils sont juste inconscients. Ah ouais. Enfin, ils sont juste en espèce d'état de léthargie, mais ils sont conscients de tout ce qu'ils font, et donc ils souffrent, ils gueulent, mais personne les entend. Oui, c'est vrai. Répond pas en fait. Ouais, bon, rappelez-nous si vous avez déjà vécu ça, si vous avez déjà eu des rêves bizarres. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Flavien, tu restes avec nous là, on va te reprendre dans quelques minutes. Ok, pas de soucis. Bon, bah bouge pas de là. Eminem Monster, t'aimes bien avec Rihanna ou pas? Ouais, j'adore. Bon, parfait. Et je vous ai mis aussi la photo de Lady Gaga sur le Facebook tout à l'heure. Si vous voulez aller voir, elle est juste énorme. Elle est en mode sapin de Noël. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'est habillée en sapin de Noël avec un chapeau, avec des vraies feuilles de, enfin, de branches de sapin de Noël. C'est assez original. Avec des boules, des guirlandes, tout est là. Donc, allez voir. Facebook.com/MIKL officiel. Bon, bah, reste avec nous, Flavien. On va revenir avec toi dans quelques minutes. Et on aura aussi, comme chaque lundi, le chéri, je peux te faire cocu. Là aussi, si vous voulez participer, un seul numéro, 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, le 02 851 4x0, je vous l'avais promis. Le son d'Eminem et Rihanna, ça va débarquer dans quelques minutes. Et ce sera le son de The Monster. Il est 23h13, on est en direct sur Fun Radio jusqu'à 2h du mat, comme tous les soirs, du lundi au jeudi. Vous êtes de plus en plus nombreux à débarquer. On est quasiment 300 000 déjà sur la page Facebook de l'émission. Merci beaucoup, continuez à faire passer le message. Il se passe enfin quelque chose le soir à la radio. C'est de 23h à 2h et c'est uniquement sur Fun Radio que ça se passe. C'est Mickaël Nolimit. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64-900. Sur Fun Radio. Tous les soirs, 23h, 2h. Mickaël. Mickaël. Nos limites. Sur Fun Radio. Et on est toujours en direct. Il est 23h14. Il n'y a plus de pub maintenant. C'est parti. Il y a le chéri, je peux te faire cocu qu'on fera avant minuit. Je rappelle qu'il y aura évidemment des cadeaux à la clé. Hein, si vous voulez participer, appelez-nous. Le but est de piéger votre copain ou votre copine en lui faisant croire que bah, vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous voulez coucher juste un soir et vous lui demandez l'autorisation en toute simplicité. Voilà, oui, j'ai envie de dire normal. Normal. Voilà. Donc si vous voulez participer, on joue un petit peu avant minuit. Donc vous m'appelez maintenant 01 42 48 5000. Il y a Elodie qui dit aussi vous pouvez répéter la colle. Oui, on va le faire si tu veux. Oui. Il y a Guillaume donc qui avait posé la colle. Donc ôtez-moi une lettre, ôtez-moi deux, ôtez-les-moi toutes. Je reste toujours la même. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, eh bien vous envoyez M I K L les quatre lettres espace la réponse. Vous envoyez ça au 64 900 ou directement sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Voilà Elodie. Johnny aussi qui dit le rêve, on est bloqué, que l'on ne peut pas crier ni bouger, quelque chose derrière nous, il est plus qu'affreux. Bah, on va en parler dans quelques minutes parce que comme je disais, j'avais jamais vécu ça. Donc on lui dit aussi, ça s'appelle la paralysie du sommeil, c'est Louloui qui avait envoyé ce message. Bon, bah, on va suivre tout ça dans quelques minutes. Appelez-nous, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus, c'est ici que ça se passe tous les soirs sur Fun Radio, 01 42 48 5000 où que vous soyez en France. Et le son d'Eminem et Rihanna, on écoute maintenant The Monster sur Fun Radio. Friends with the monster, the sound of my bed. Eminem, Rihanna sur Fun Radio, c'était The Monster. Il est 23h20. Allez, bienvenue, on est en direct sur Fun Radio. Et oui, il se passe enfin quelque chose à la radio. On m'avait demandé aussi, il y en a beaucoup qui m'ont demandé de passer le nouveau son de Martin Garrix avec Wizard. Alors, c'est celui-là. Dites-moi si vous voulez qu'on vous le passe finalement. Hein, parce qu'il y en a beaucoup qui ont demandé, mais au final, ce soir, je sais pas si vous avez envie de l'entendre. Donc, hashtag Mickaël, hein, si vous voulez écouter Martin Garrix avec Wizard de nouveau. Ou même petit bout là. Bah, ça changera d'Animals. Donc voilà, hashtag Mickaël, vous demandez. Sinon vous pouvez aussi envoyer votre message, hein, vous envoyez Mickaël suivi de votre message au 64 900 ou au 3044 depuis la Belgique par SMS. Et puis sur le Facebook également, hein, facebook.com/Mickaël officiel. Nouveau Martin Garrix, dites-moi simplement si vous voulez qu'on le mette ce soir. Il y a Angela qui dit oui, Eminem et Rihanna, Tough et The Monster, avec une petite arrière odeur de crotte bien entendu. Puis Ariel aussi qui avait envoyé un message qui dit le truc chiant aussi c'est d'être coincé dans son rêve et de réussir à se réveiller seulement quand le rêve prend un sens. Ah ouais, ouais ouais. Ou le pire, c'est quand tu te réveilles, donc tu fais un rêve ou un cauchemar, mais enfin c'est mieux un rêve. Tu te réveilles et déjà t'es déçu parce que c'est pas vrai. Et puis après t'oublies et tu dis putain mais je rêvais d'un truc mais quoi. Ouais. Et en fait t'es content parce que tu sais que c'était quelque chose de chouette mais tu sais plus quoi. Oui, donc c'est ça te frustre complètement. Ouais. Y a Max qui dit je rêve tout le temps que je vais au collège à poil, c'est bizarre ça. Y a Axel qui dit avec de l'entraînement on peut contrôler ses rêves et tu peux faire apparaître tout ce que tu veux, c'est classe. Ah ça je savais pas ça tiens. Bon ben enfin, toi tu t'es cru dans la matrice hein, parce ouais que, c'est ça. Moi j'ai beau essayer, j'y arrive pas. Appelez-nous hein, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. On va en parler encore dans quelques minutes. On va surtout récupérer Evan, on aura Franck, on aura Flavien, on aura Emile qui voulait réagir. Et puis on a, j'ai une bonne nouvelle surtout pour vous les filles. Très très bonne nouvelle, puisque la masturbation est bonne pour la santé. Bah, ça tombe bien, j'ai 10 doigts. Voilà, non, généralement les études concernent justement les mecs, mais là on en a une qui parle des filles. Et il faut vous caresser les filles, c'est vital, c'est pour la santé. Donc selon les chercheurs, ça réduit les chances de diabète, prévient le cancer et lutte contre les insomnies. Oh, c'est bon ça. Bah ouais, c'est quand même plutôt pas mal. Touchez-vous. Mais oui, mais surtout ça aide à connaître son corps et à maximiser l'orgasme, il paraît. Donc les filles, venez nous en parler, hein, donc. Bah déjà masturbez-vous, allez-y, c'est bon pour la santé. Donc n'hésitez pas, si vous voulez je vous fais une ordonnance. Pas de problème, non mais vous demandez moi après, y a pas de souci. Vous demandez, je vous le ferai sans problème. Et puis dites-nous si vous le faites, souvent, pas souvent. Ce que vous aimez, vous n'aimez pas, est-ce que vous vous sentez mieux ou pas. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de tester puis d'arrêter. Et donc bah est-ce que ça allait mieux ou pas. Bref, on veut tout savoir. Vous m'appelez maintenant mesdemoiselles, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Je rassure également que les filles mariées, les femmes mariées en l'occurrence, peuvent nous appeler bien entendu. Tof, du coup tu vas demander à tes amis. Ah oui, pardon, j'ai cru qu'on allait offrir des godes, mais non, rien à voir. Non, pas du tout. Hein, oui, tu vas demander à tes amis si leur femme se masturbe. Mais bien sûr, je suis sûr que ça leur fera plaisir. Bah oui. Tu vas commencer à me casser les couilles longtemps, espèce d'enculé, là. Bah ça fait que commencer, là, ce soir, hein, pour le coup. Hein. On va faire le premier appel dans quelques minutes. T'es chaud pour le premier appel tout de suite ou tu préfères un peu attendre? Comme tu veux, moi je suis chaud, là. Bon, on attend ou on fait directement? Comme tu veux, c'est bon. Bon, allez, c'est bon, c'est on fait attendez. Evan, qui est avec nous de Nantes, là, ça va, Evan? Ouais, ça va, et toi? Ah, il est là, très bien. Ça va bien, ouais, tranquille. Tu veux qu'on fasse le premier appel avec Tof maintenant ou on attend encore un petit peu? Ouais, bah vas-y, balance. Vas-y, attends, Franck. Salut Franck de l'Ain, comment ça va? Ça va, et toi? Bah en pleine forme. Tu veux qu'on fasse le premier appel avec Tof maintenant, qu'on fasse chier quelqu'un tout de suite ou on attend encore un peu? Ouais, vas-y. Bah vas-y, d'accord, ok. On va demander aussi à Valentin qui vient d'arriver. Salut Valentin. Ah, tu le demanderas à Valentin. Bonsoir. Comment ça va? Ben et toi? Bon alors est-ce que on appelle tout de suite ou pas? Tu peux aller te faire foutre, tu le demanderas à Valentin. Ah bah justement ça tombe bien, il est là. Bon Valentin on le fait ou on fait le premier appel maintenant ou pas? Oh bah allez. Bon allez bah c'est parti alors hein. Bon bah Tof on appelle Allons-y. On appelle des gens pour savoir si leur femme se masturbe ou si tu tombes sur la femme, si elle se masturbe. Voilà. Puisque apparemment c'est bon pour la santé, donc on est un petit peu l'OMS ce soir, l'Organisation Mondiale de la Santé. On les appelle afin de les prévenir. C'est parti. Oula sa gueule. On fait le premier appel maintenant. Voilà. Merci pour les numéros que vous avez déjà envoyés. Hein. Sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Si vous connaissez des gens debout encore à cette heure-ci. Oui, allô. Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous vous caressez. Non, mais vous vous avez du monde ou quoi? Non, pas du tout, madame. Je veux juste savoir si vous vous caressez. Allez vous faire voir, ça fait quoi, va? Mais enfin, pourquoi vous me dites ça, madame? Mais quoi, comment vous parlez? Vous voyez comment vous parlez? Vous entendez comment vous parlez? Bah oui. À qui vous vous adressez là? À qui vous voulez parler? Bah à vous, madame. Non, moi je vous connais pas, je n'ai pas envie de vous parler, hein. Non, on se connaît pas, mais je veux juste savoir si vous vous caressez, c'est tout. Allô? Oui, non, je dis on se connaît pas, je veux juste savoir si vous vous caressez. Oui, allô? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, voilà, en fait je vous appelle parce que je voulais savoir si vous vous caressez de temps en temps. Tu veux que je te nique ta mère la pute ou quoi? Excusez-moi, mais je vois pas le rapport. Mais est-ce que tu veux que je te nique ta mère la pute? Non, je ne vois pas l'intérêt. Ah, mais dis-moi, est-ce que tu veux que je te nique ta mère la pute ou pas? Non, je vois pas pourquoi vous voulez niquer ma mère. Mais est-ce que tu veux que je te nique ta mère? Ah. Mais non, je comprends pas pourquoi vous voulez niquer. Eh ben ça va, eh ben rappelle sur ce numéro, sur la vieille mère cherche outil, je te nique tes morts, c'est bon? Mais pourquoi vous voulez faire ça? Non mais c'est bon ou pas? Bah non, c'est pas très bon. Eh ben chiche, alors si tu rappelles sur ce numéro, demain je vais chez le Condé, je demande si je te nique tes morts. C'est bon? D'accord, mais Eh ben ça va. Mais c'est bon ou pas? Parce que tu continues à parler là, je vois que t'as pas compris. Bah si, moi j'ai compris, mais a priori vous avez c'est pas compris. Tu t'adresses à la daronne, tu veux que je te nique tes morts en fait. Non, moi je vais vous répondre à ma question. Non mais en fait, tu veux que je te nique tes morts, tu te manques de respect à ma mère, ce que tu dis. Mais pas du tout, je veux juste savoir si elle a une activité masturbatoire. Mais est-ce que tu as un souci là? C'est quoi ton problème? D'où t'as eu ce numéro déjà? Non, moi j'ai pas de problème. D'où t'as eu ce numéro? D'où t'as eu ce numéro? Parce que je suis en train de serrer, d'où t'as eu ce numéro? Bah, dans l'annuaire, comme tout le monde. Dans l'annuaire? Eh ben je vais te niquer de ta mère la pute, toi et ton annuaire, je te fous dans le cul comme tu dis. Ton annuaire, t'as vu dans l'annuaire? Au fils de pute, t'as vu dans l'annuaire? Oui. Je vais te niquer ta grand-mère la pute au bâtard. D'accord? D'accord. Ta grand-mère, elle t'a mal élevée, parce que je vois ta mère, t'as vu ta mère qui t'a mis au monde, je crois que t'as mal élevée. Oui, mais excusez-moi, mais je comprends pas pourquoi on en est arrivé là, parce qu'en fait, je vous posais une question simple au départ. Mais comment tu posais une question simple? Tu as pété les plans ou quoi, wesh? Ouais, tu parles à ma daronne, tu dis est-ce que vous êtes déjà caressé? Est-ce que moi, t'appelles ta daronne? Je dis est-ce que tu t'es embêté dans le cul? Je comprends rien. Je vois pas le rapport. Mais comment tu vois pas le rapport? Ben non, parce que moi, je vous appelle, je vous pose une question. Mais tu parles comment exactement, la famille? Rappelle-moi, quoi, ou je m'en bande de merde? La taille marche, tu niques tes morts, tu as compris? Oui, j'ai compris, mais... Mais j'ai pas compris, mais qu'est-ce que tu veux là encore? Tu continues à parler avec moi, mais qu'est-ce que tu veux? Bah savoir si vous vous masturbez de temps en temps. Mais de quoi tu te mêles? Si je veux me casser, je me casse. De quoi tu te mêles toi? Bah moi je me mêle de rien, je veux juste savoir si vous le faites ou pas. Eh ben ça va alors, eh ben pourquoi tu me poses la question et j'appelle sur ce numéro? Tu veux pas appeler tes morts ou ta soeur la pute qui se met des doigts dans le cul? Je sais pas, Jambon il appelle ma main et il dit est-ce que vous vous caressez? Bah oui, voilà. Jambon. Est-ce que vous vous caressez alors ou pas? Mais de quoi tu te mêles? Mais je me mêle de rien, je vous pose une question. Mais je te niquais pas ma pute, t'as compris? Oui, j'ai compris, mais... Attends, je te passe mon daron, tu veux que nique tes morts, mon daron? Bah, passez-moi votre daron, si vous voulez, moi. Tu vas lui dire quoi, mon daron? Tu vas lui dire si je te caresse, t'as déjà qu'il rentre dans ma femme dans le téléphone, il t'es mort, tu vas... Non, parce que du coup, lui, ça m'intéresse pas, parce que moi, je veux savoir si vous masturbez. Donc, bon, bâtard, ta grand-mère la pute, te rappelle sur ce numéro, et sur ton grand-mère, hein. Demain, je vais aller chez les Condé, il a dit demain, je te mets dans la merde, c'est bon? D'accord. Allez, ciao, ouais, bonne soirée. Mais vous avez et appelle ta soeur et demande-lui ça. Oui, mais vous n'avez pas répondu à la question, là. Mais la tête de ma mère, appelle encore sur ce numéro et je vais voir le Condé demain matin. Ça te va ou pas? Oui, ça me va très allez, bien. Allez, ciao, alors. Le nombre de fois où elle a dit ta mère la pute. Et c'est marrant que dans c'est le sud, ils sont obsédés par niquer les morts. C'est assez violent. C'est assez violent. Bon, on va le rappeler. Alors, pratique. Pas à Montpellier, hein. On y était, on n'a pas eu de problème. Hein. Bon, en même temps, t'as pas fait le mal à Montpellier, hein, parce que bon, il avait des gens devant lui, donc oui, il s'est pas ramené, quoi. Je peux pas me permettre. Bah voilà, donc on va rappeler, puisqu'il nous a invité à le faire. Hein. Bah oui, j'espère qu'elle va moins parler et moins près de son téléphone. Hein. Si elle peut l'enlever de sa bouche, c'est mieux. Parce que là, on a l'impression que ça sature un petit peu, mais on peut rien faire. Ah. Oui, vous m'avez... Bah non, en plus je continue à rappeler. Bah oui, vous m'avez demandé... Attends, tu veux t'amuser? Vous m'avez demandé de vous rappeler, je vous rappelle. Tu veux t'amuser à ça ou pas? Ta mère la pute. Non, mais c'est vous qui m'avez demandé de vous rappeler. Mais tu veux t'amuser à ça? Mais moi je veux m'amuser à rien, je veux... Mais tu veux t'amuser à ça alors? Non, vous voulez pas répondre à ma question. Mais pourquoi je voudrais te répondre à ta question? Mais ça fait des fois qu'on est dans la même. Mais non, pas du tout, c'est juste, moi je vous pose une question, vous y répondez, puis on n'en parle plus, oh là là. Mais oh, mais j'ai niqué mon pote, oh, tu t'es pris pour qui? Je m'appelle Tof. Tu t'appelles comment? Tof. Mais je m'en bats les couilles de comment tu t'appelles, je t'ai pas demandé ton prénom. Bah si, vous m'avez demandé pour qui je me prenais, alors je vous le dis, je m'appelle Tof. Et ça va, je te parle mon pote, voilà, tu vois pas t'es fatigué. Tu appelles les gens comme ça, tu t'as pas honte, je sais pas, tu respectes pas, je sais pas, voilà. Bah, si, mais ta mère elle t'a éduqué comment? Mais moi je vous respecte. Mais ta mère elle t'a éduqué comment? Bah ma mère elle m'a éduqué que quand quelqu'un me pose une question, je lui réponds. Ah non, je pense pas que ta mère t'a dit quand t'étais jeune, ah oui, tu te caresses. Je crois pas, sauf si elle t'a caressé, ton père t'a caressé, je crois bien alors. Ton père t'a caressé non quand t'étais jeune? Mais je vois pas le rapport madame. Mais ton père, est-ce qu'il t'a caressé quand t'étais jeune? Pourquoi tu réponds pas à ma question moi? Bah moi parce que moi il m'a pas caressé, moi. Mais est-ce que. Eh ben voilà, moi aussi il m'a pas caressé. Oui mais c'est moi je vous ai demandé. Mais moi je me caresse pas le soir, c'est bon, je réponds à la question là. Ah bah voilà, vous voyez quand vous voulez. Eh ben qui je veux encore là? Bah c'est tout. Maintenant que et pourquoi tu raccroches pas alors? Mais parce que en fait je voulais juste et vous dire. Et pourquoi tu raccroches pas encore? Vous devriez quand même y penser parce que c'est très bon pour votre santé. Ah oui, mais je suis jamais, mais t'inquiète pas, la santé elle est unique, je suis allée voir le docteur hier. Ouais, mais justement parce que après. Le docteur il m'a dit que j'étais en bonne santé, voilà, c'est pour ça. Bah justement. Donc pour merci d'avoir pris de mes nouvelles. Donc pour rester en bonne santé, continuez à vous masturber, ça vous fera du bien. Y a pas de problème. Ah, et ça vous détendra, ça vous ça ira. D'accord, y a pas de problème. Et bah voilà. Hein ah, bah c'est bon, ça se va là, c'est bon, t'es détendu, ton, c'est bon, tu es bien là. Moi je suis très bien. Comme on dit. Eh ben voilà, allez, on se. Allez, bonne soirée. Mais de même, au revoir. Au revoir. Oh putain, elle m'a fatigué là, début d'émission, je suis claqué. Mais elle a répondu et à la fin, elle a quand même salué. Elle ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il y a Mel Perotto qui dit aussi, elle est sacrément vulgaire celle-là. Ouais. Juste une question, vous avez jamais eu de problème avec la gendarmerie? Bah si, justement, la semaine dernière. Enfin, c'est tough, hein, nous apparemment, non. Hein. Il y a Don Gomez Correa qui dit, c'est dégueulasse les femmes qui parlent comme ça, mais hard le canular comme d'hab. Il y a Thomas aussi qui dit, moi aussi j'arrive à contrôler mes rêves, c'est dark car quand la méchante est bonne, bah je la baise, d'accord. Et Angelina qui dit, il en a pris plein la gueule, Toff là, et bim, et Clem qui dit, putain les filles qui parlent comme ça, elles sont juste immondes. Et alors Jojo qui dit, trop mort de rire la meuf. Ah bah moi elle m'a claqué, un truc de ouf. Bon, Evan, Franck, Flavien, Émile, Valentin, Aurélien également dans quelques minutes. On va parler de la masturbation, on va parler également des rêves un peu bizarres, notamment avec Evan. Et bah si vous voulez nous en parler, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Soyez les bienvenus tout le monde, c'est Mickaël No Limit. On est en direct jusqu'à 2h, on écoute Fédé Le Grand sur Fun. Fédé Le Grand sur Fun Radio, c'était Long Way From Home. Il y aura Drake dans quelques minutes. Ce sera Hold On, We're Going On. On va se mettre bien là. Et puis je vous mettrai aussi, puisque vous l'avez demandé, le nouveau son de Martin Garrix avec Wizard, puisqu'il y en a plein qui le demandent là. Il y a Asbi Rayal aussi qui dit, je comprends pas que les gens attends, c'est quoi ce que les gens entendent par je te nique. Attends, c'est quoi? Je te nique, t'es mort. Voilà, c'est vraiment vulgaire. Oui, je suis d'accord. Mel aussi qui dit, elle est sacrément vulgaire la meuf. Là, j'ai une question. Ah oui, bah, je l'avais déjà lu celui-là. Virginie qui dit, je ne savais pas que la masturbation était bon pour la santé. Bah comme quoi, finalement, tu vois, ouais. Écouter l'émission, ça sert à quelque chose. Il y a Wardy aussi qui dit, les rêves qu'il nous faut croire qu'on a vécu la chose, mais quand on se réveille, on se rend compte que c'était pas réel. Et Let's Be Freaks qui dit, cette nuit, j'ai rêvé que j'accouchais de 5 bébés en 2 jours, c'est trop bizarre. Ah oui, effectivement, oui, il a quand même. Une fois, je rêvais qu'on me sciait la jambe, je me suis réveillé en sursaut, j'avais super mal à la jambe, j'avais une crampe. Bisous Clémence, une auditrice fidèle, continuez comme ça. Merci beaucoup Clémence, je te fais des gros bisous. Et avant de continuer, et surtout avant de récupérer bah, tout le monde là, on va d'abord prendre Guillaume pour faire la colle ce soir. Allô Guillaume? Ouais, allô. Hello, ça va? Ouais. Bon, on va faire la colle maintenant, Guillaume. On va la répéter plutôt, hein, puisqu'il y a pas mal d'auditeurs qui ont envoyé quelques réponses. Et beaucoup de mauvaises, il faut le savoir. Alors, Guillaume, vas-y, fais péter la colle. Ôtez-moi une lettre, ôtez-moi deux, ôtez-les-moi toutes, je reste toujours la même. Bon, ôtez-moi une lettre, ôtez-moi deux, ôtez-les-moi toutes, je reste toujours la même. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, il faut envoyer M-I-K-L. Ce sont les quatre lettres à envoyer, espace la réponse, au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Pour gagner votre PlayStation 4, il y a Rénal qui dit une toupie. Non. Il y a Balapouliba qui dit le facteur. Non. Non, le point de suspension, enfin les points de suspension. Non. Une enveloppe. Non. Non, la poste, c'est Tom qui proposait ça. Non plus. C'est rien du tout. Non plus. Non, on proposait de l'eau. Non. Non, il y a Elodie qui dit la réponse est une fille. Non. Non plus. Bon, bah si vous avez la bonne réponse, de l'eau non plus, c'est pas la bonne réponse, donc ça j'efface. Hop là, c'est fait. Bon, donc si vous avez la bonne réponse, si vous pensez l'avoir, vous envoyez M-I-K-L suivi de votre message, enfin suivi de votre réponse, au 64-900 ou au 63-22 depuis la Belgique. Et vous pouvez jouer aussi et lire la colle. Il y en a peut-être que chez qui ça va être plus pratique de l'avoir sous les yeux directement sur le Facebook de l'émission, facebook.com/M-I-K-L officiel. Bon, allez, Guillaume, à tout à l'heure. Hein, on donne la réponse avant minuit pour gagner la PlayStation 4 que je vous offre toute la semaine. On en a une par soir à vous offrir avec le package également, la nouvelle collection de soda. Voilà, nouvelle saison, nouveau paquet. Guillaume, à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure, Guillaume. Je vous la répète comme ça en speed pour ceux qui débarquent. Ôtez-moi une lettre, ôtez-moi deux, ôtez-les-moi toutes. Je reste toujours la même. Qui suis-je? Bonne chance pour la réponse. Facebook.com/MIKL officiel. Bon, on va récupérer Evan maintenant qui est avec nous là. Evan, t'es là? Ouais, salut Mickaël. Salut Eden. Bon, alors avant de faire d'autres appels avec Toff, évidemment, toi tu voulais nous parler des rêves, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, alors, en fait, qu'est-ce que t'as fait comme rêve bizarre, toi? Bah, en fait, ça m'arrive quasiment, enfin, ça m'arrive très souvent même. Je fais des rêves où en fait je les contrôle parce que je sais que je suis dans mon rêve. En fait, je peux faire tout ce que je veux dans mon rêve. C'est toi qui avais envoyé un message en disant ouais, il faut, on peut préparer les rêves et on fait un rêve de ce qu'on veut. Non, c'est pas moi. Ah d'accord, ok. Donc il y en a deux alors qui sont dans le même cas. Très bien. Bon, et donc ouais. toi tu peux contrôler tes rêves. Ouais, c'est trop chaud. Bah d'ailleurs la nuit dernière et tout, je m'étais fait gagner au loto et tout. Du coup, je m'étais acheté un gratte-ciel, j'avais sauté en parachute. Ah, tu me racontes. T'es con ou quoi, Evan? Mais t'es sérieux là? Non mais. En fait, toi, t'écris des scénarios pour les films, en fait. C'est... Le mec qui gagne l'auto, il s'achète un immeuble. Mais faut bien profiter aussi. Ah oui, bah bien sûr. C'est une comment il s'appelle le film? Inception. Inception, ouais. Toi, t'es complètement ouf, Evan. Et t'as 13 ans. Hein, faut pas demander plus tard ce qui va se passer. Hein. Ouais, j'avoue. T'as fait quoi comme rêve, autre rêve bizarre? Parce qu'en la vie, je pense qu'avec toi, il y en a pas mal là. Oh, il y en a tellement que je sais pas trop. Bah, le dernier en date, hormis celui où t'as gagné l'auto là. Il y en a un. En fait, j'étais avec la mère de mon meilleur pote et on a fait des trucs bizarres, mais ça j'avais pas contrôlé. Ça a dérapé. J'étais dans un non, truc. Non, il a pas contrôlé, il a été précoce. C'est ça? Non. J'avais pas contrôlé le rêve. C'est ça. T'as été précoce. C'est pas grave, ça arrive. Regarde, ça arrive à Tof tous les jours. Hein. Ouais. Mais dis la vérité, tu fantasmes sur la daronne de ton pote? Mais non. Mais si, parce qu'il écoute, la vérité, comment il s'appelle? Tom. Tom, parfait. Bah Tom, tu sais que Evan, il est en kiff sur ta. Non, mais c'est pas vrai. Arrête, t'as rêvé d'elle. Et tu. Hey, qu'est-ce qui se passait dans le rêve? Bon, rien. Vas-y. Contre un mur, tu lui as tout arraché ou pas? Si, vas-y, dis-moi. Mais non. Dis-moi. Qu'est-ce qui se passait dans le rêve, Evan? Attends, non mais je suis à la radio là. Ouais, vas-y, qui c'est qui fait chier là? Non, s'il te plaît, tu me donnes la radio tout de suite, pour moi je me fâche là. Mais s'il te plaît, va, je finis. Je ne finis pas. Donne-lui la radio. Ça va mal finir. Oh, qu'il est relou alors. Une heure, je te dis de te coucher. Ouais, sale vieux. J'arrête, je finis là. Le gros connard va te faire enculer. Oui, ok. Imagine, c'est le moment où il prend le téléphone. Bon, j'ai 5 minutes. Ah, vas-y. Bah c'est parfait, c'est plus qu'il n'en faut. Heureusement qu'il t'a pas entendu dire je faisais des trucs avec la mère de Tom, quoi. Bon, du coup, tu faisais quoi avec la mère alors? Je vais pas rentrer dans les détails. Bah, si, justement, là, son père, on est là. Il a mis un verre. Bon, alors, dis-moi, oui, d'accord, si t'as couché avec elle. Mais non. Ah, non. Dis-moi. Oh, mais pas du tout! Si jamais elle t'a pompé le dard! Arrête! Mais alors... c'est dégueulasse, Mickaël! Mais non. Mais dis-moi, je veux savoir! Juste un doigt? Ouais, voilà. Ah oui, quand même! Ah, c'est pas mal! Non, mais c'est bien! Non, mais voilà, très bien! Donc t'as été précoce juste en mettant un doigt? Mais c'est pas grave, hein, ça ira mieux après, hein, t'inquiète pas! Ouais, mais c'est vrai! Ça m'est déjà arrivé! Hein. Bah oui, bah bien sûr, pas de problème! Bon, bah Evan, bah merci beaucoup, tu salueras papa, hein! Ouais, ok. Bon. Est-ce que je peux passer une petite dédicace? Allez, vas-y, il y a une seule personne, tu connais la règle. Eva, ma petite soeur de cœur qui m'écoute. Oh, c'est mignon alors. C'est Eva et Evan, c'est mais pas oui, mignon. Mais il va falloir plus être précoce hein, pour la voir, Eva, là, hein, Evan. Hein. Oui, mais attention. Bon, Evan, merci d'être passé en tout cas. Tu reviens quand tu veux. À bientôt sur Fun. Salut. Ciao. Récupération de Franck dans quelques minutes. Flavien, Émile, Valentin également. On aura Aurélien et Marianne pour parler de la masturbation. Salut Marianne. Salut. Comment ça va Marianne? Ça va très bien et vous? Mais écoute, ma foi, plutôt pas mal. On est de retour de Montpellier. On a passé un bon week-end sous le soleil. J'ai même réussi à bronzer au mois de décembre. Je suis très content. Ah, ça, la c'est classe. Mais sans rien foutre, hein, parce que je me suis pas spécialement mis. Hein. C'est même Polo qui m'a dit: dis donc, t'as brossé, espèce d'enculé. Hein. Ouais. Ça doit être pas mal, c'est cool. C'est bien, non c'est voilà. Bien. Oh là, c'est peut-être le Morito, il en reste peut-être un peu encore. Non, il doit peut-être y avoir de ça, c'est possible, ouais. Bon, Marianne, on va parler de la masturbation, puisqu'on s'est rendu compte, donc, que la masturbation pour les femmes, en l'occurrence, même pour les hommes, mais surtout pour les femmes, était bonne pour la santé. Donc on va parler avec toi de ça dans quelques minutes. Ok, pas de soucis. Alors, reste avec nous, Marianne. Drake, cette branche. Ah ouais. C'est une belle chanson pour faire l'amour, ça. Tout à fait. N'est-ce pas hein, une belle chanson sous la couette. Ça peut être pas mal du tout ça. Reste avec nous Marianne, on va parler avec toi dans quelques minutes. On va se balancer la nuit sans pub également. Et puis un chéri je peux te faire cocu en prévision. C'est ce qui va arriver sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde, c'est Mickaël No Limit. Rassurez-vous, il y a enfin quelque chose à écouter le soir à la radio. C'est entre 23h et minuit que ça se passe, 23h et 2h. Imagine, on finirait dans 15 minutes. 23h et 2h du mat sur Fun Radio. Tous les soirs de la semaine et le dimanche bien sûr de 20h à minuit. Prenez le contrôle. Appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Elle va te faire enculer au clochard. Fun Radio. Mickaël, nos limites, nos limites. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Oui, on est en direct sur Fun Radio. On est de retour, on était à Montpellier hier. Et même ce matin d'ailleurs encore, hein, pour le coup. Très très sympa. Merci en tout cas à tout le monde d'avoir été aussi nombreux, hein, d'être venus d'ailleurs sur l'esplanade du lycée Joffre, d'être venus dans les studios de Fun Radio Montpellier, d'être venus au Soccer 5 également faire un match contre nous. C'était samedi. Toutes les photos évidemment sont sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. En parlant de Montpellier, il y avait un petit qui s'appelle Stéphane qui m'a demandé de lui faire une petite promo, et comme il était cool, j'ai dit je vais te la faire. Bon bah vas-y alors. C'est Enquête d'Actu Stéphane. C'est chaîne Stéphane Vidéo, voilà. Mais c'est sur quoi, YouTube? Ouais. Ah, Enquête d'Actu, c'est ça? Voilà. D'accord, ok. Plus loin, Enquête d'Actu, tout attaché, et Stéphane, voilà. Voilà, mais c'est bien parce qu'en plus, la prochaine fois, Stéphane, n'hésite pas à trouver un truc encore plus compliqué à écrire. Voilà, voilà. Voilà, non, mais c'est bien aussi. C'est des vidéos humoristiques, Mathilde. D'accord, voilà. Eh ben nous voilà rassurés, très bien. Plein de messages à suivre, on va faire le chéri, je peux te faire cocu dans quelques minutes. Il y aura les teubés de la télé, bien entendu, et puis on va parler des rêves et de sexualité. Avec le son de Drake maintenant qui va très bien parmi. La sexualité, puisque c'est une chanson pour faire l'amour, c'est Hold On, We're Going On sur Fun Radio, bienvenue. I got my eyes on you. Le son de Drake à l'instant, qu'est-ce qui s'est passé? C'était Hold On, We're Going On. Bah, je vous l'avais promis, du coup, il y a Martin Garrix qui va arriver, hein, le nouveau avec Wizard, puisque vous l'aviez demandé beaucoup sur le Twitter avec le hashtag Mickaël. Et puis, on va également se faire le chéri, je peux te faire cocu. Ça, c'est dans quelques minutes sur Fun Radio. Avant cela, on va se refaire aussi la colle avec Guillaume qui est avec nous. Guillaume, t'es là? Ouais, je suis là. Très bien, allez, c'est reparti. Refais péter la colle pour ceux qui viennent de débarquer pour gagner la PlayStation 4. On y va. Ôtez-moi une lettre, ôtez-moi deux, ôtez-les-moi toutes, je reste toujours la même. Qui suis-je ? Voilà, donc je rappelle que si vous avez trouvé la bonne réponse et que vous êtes inscrit et que vous êtes tiré au sort, vous repartirez avec la PlayStation 4 et le pack soda, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et puis bah si jamais, enfin la nouvelle saison de soda, hein, vous partez pas avec des coca, hein, c'est ça que je voulais dire. Et puis si vous n'avez pas la bonne réponse, ou alors si on vous appelle et que vous ne décrochez pas, c'est du coup Guillaume qui gagnera la PlayStation 4. Ôtez-moi une lettre, ôtez-moi deux, ôtez-les-moi toutes, je reste toujours la même. Qui suis-je ? Il y a Julie qui proposait une factrice. Non. Non, une grande gueule. Non. Non, je suis tout jaune. Non. Non, bah, une enveloppe, ça on avait déjà dit. Non, l'alphabet. Non plus. Une feuille. Non. Ou même une colle, quelqu'un qui avait proposé ça. Non, non plus. Bon, bah tant pis. Alors, si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Dernière ligne droite, on donne la réponse vers minuit. Vous tapez Mickaël officiel. Mickaël officiel sur Facebook pour venir nous rejoindre. Et puis, bah donner la réponse et la lire aussi surtout, ou alors par SMS si vous voulez. Si vous n'avez pas internet sous la main, vous tapez Mickaël. Ensuite, vous mettez la réponse et vous envoyez le tout au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Bon, et bah écoute, Guillaume, on te reprend dans quelques minutes. Et puis dans 5-10 minutes, on connaîtra, bah, plutôt 10 d'ailleurs, on connaîtra donc le gagnant de la PlayStation 4. Toi ou quelqu'un d'autre, on verra. En tout cas, je te souhaite de gagner. Ah ouais, moi aussi. Bah, j'imagine, la PlayStation 4, ce serait tellement bien pour les fêtes. Hein, enfin bon. Bon, Guillaume, à tout à l'heure. Ouais, c'est l'heure. Allez, on va parler des rêves encore maintenant avec Valentin qui est avec nous là, 22 ans de Châteauroux. Salut Valentin. Oui. Comment ça va? Salut, ça va toujours. Bon, tant mieux. Alors, avant de faire d'autres appels encore avec Thor, je rappelle le thème, hein, puisqu'on s'est rendu compte donc qu'il était bon de se masturber pour les femmes en l'occurrence, surtout pour les femmes. Et donc bah on appelle depuis tout à l'heure des gens pour voir s'ils se masturbent bien et pour les prévenir aussi, pour les avertir que c'est bon pour la santé. Et oui, il faut se masturber. Voilà, qu'ils devraient le faire d'ailleurs encore un peu plus souvent. Donc si vous avez des numéros de gens encore debout jusqu'à 2h du mat, n'hésitez surtout qui sont un peu nerveux, n'hésitez pas bien sûr à les envoyer sur le mail de Tof tout de suite, toph@funradio.fr. Alors Valentin, oui, on va parler des rêves. Ouais, ouais, quand j'ai entendu parler des rêves, ça m'a fait un peu un mauvais souvenir. Ah bon, pourquoi? T'as rêvé de quoi déjà toi? Ah là là, en fait moi je suis très friand des films d'horreur, j'ai quasiment jamais peur. Tu es friand? Oui, il est friand, il aime bien. Oh là là là, quel mot. Voilà, magnifique mot qui compte double d'ailleurs, mais ouais. Tu n'hésiteras pas à le rendre à ta grand-mère. Voilà, hein. Voilà, ouais, donc tu es friand. Sauf qu'un jour, il y avait l'émission à la télé, les 30 histoires les plus mystérieuses. Mm-hmm. Ouais. Et le numéro 1, c'était le diable qui était dans une grotte en France. Mm-hmm. Et là, ça a fait tilt dans ma tête. Enfin, pas au début. Au début, bah, je suis parti me coucher, normalement, et tout. Et la nuit, je me suis réveillé allongé sur mon lit, les bras croisés comme si j'étais mort. Je transpirais et au début je me suis vu. Et ensuite je me suis réveillé. Mm-hmm. Et là pendant 2 minutes, j'ai plus bougé. J'ai pas osé. Ah, t'as pas osé? T'étais pas coincé? Ah ou non, mais. T'as juste eu les boules quoi? Ouais, bien eu les boules, ouais. D'accord, c'est marrant ça. Moi, il y a un message qui dit, moi, je fais des dans cette position-là. Oui, non, mais c'est bizarre, j'avoue. Il y a un message qui dit, moi, je fais des rêves prémonitoires, je rêve de ce qui va se passer. Il y a Elodie aussi qui dit, mon frère vous écoute en douce dans son lit, mon père croit qu'il dort. Les connards. Sayuroka qui dit, les rêves érotiques sont les plus intéressants. Oui, c'est vrai. Ça, oui. Ça toffe, il adore ça. C'est ce que je préfère. Moi, ça m'est arrivé une seule fois d'avoir sali les draps. Ah ouais, je devais avoir 13 ans, je crois. Ah bah, moi, c'est pour ça que je me branle le soir avant de m'endormir. Oh, comme ça déborde en fait, pas. Bah, ça m'évite de, voilà, d'en mettre partout. Ouais, ce qui est marrant, c'est que je me suis réveillé qu'une seule fois comme ça. Par contre, je me suis réveillé aussi une seule fois en m'ayant pissé dessus parce que je rêvais que j'étais aux chiottes. Ah oui. Ouais. Ah, je devais aussi avoir 12-13 ans. Ah, moi, plus tard même encore. Ah ouais. Ça m'est arrivé. Moi, c'était 12-13, peut-être 14, je sais plus. Enfin, il y a longtemps. Hein. Enfin, il y a longtemps. Pas si longtemps que ça, mais je veux dire, il y a un petit temps. Et donc, en fait, je m'en souviens. Hein. Je devais absolument aller pisser. Et puis, je me dis, ah putain, enfin les chiottes. Et tu dis, tiens, marrant, il y a un problème. Tout d'un coup, il fait chaud comme ça. C'est bizarre parce que je suis quand même debout. Donc, je comprends pourquoi est-ce que. Ah bah, je suis dans mon lit en fait. Ah bah, jackpot. Voilà, ça y est, c'est fait. Ouais, donc c'est déjà arrivé. Ça t'est déjà arrivé aussi, toi, j'imagine, Valentin, là, de pisser dessus. Je me suis fait caca dessus, moi. Non, oui, petit, mais. Non mais petit, non mais bien sûr quand t'es bébé tu te pisses dessus, c'est normal. Mais quand t'as 12, 13, 14, même plus parfois, si tu peux rêver, tu peux rien. C'est comme les pollutions nocturnes. C'est quand vous éjaculez en pleine nuit parce que vous êtes en train de rêver, que vous êtes en pleine relation sexuelle et puis tac. Mais moi je sais que si par exemple je vais pas me branler pendant un certain temps, que je vais pas avoir de relation sexuelle pendant, allez, je vais dire 2 semaines, tu peux être sûr que ouais, la semaine qui suit, je suis obligé d'en mettre plein le lit, quoi. Non mais oui, je peux pas faire autrement, c'est comme ça. Non, bah bien sûr. J'ai besoin de vider, faut que je vide. Oui, on a compris. Alors je décharge. Voilà, il y a Stix qui dit... De quoi ? Chacun son parfum, hein. Oui, bah bien sûr. Il y a Stix MC qui dit, l'autre nuit, j'ai rêvé que je mangeais mon pied, le matin, j'avais pas faim. Bah tu m'étonnes. Il y a Laura aussi qui dit, oh l'autre, le daron qui vient lui dire qu'il aille se coucher, débarre. Oh, et Megumi qui dit, moi le rêve le plus morbide que j'ai fait souvent, c'est de marcher dans un cimetière et trouver ma tombe sans avoir la date de la mort. Ouais, bah ça arrivera toujours à un moment ou à l'autre. Hein. Moi, le pire qui puisse arriver aussi, c'est les rêves, tu sais, genre où t'es coincé dans une boîte enterrée, quoi. T'es enterré vivant. Ça, c'est une angoisse. Il y a Bastien, c'est quoi ? Je crois que c'est tes délires. Tu sais, on a tous des délires. Et dans la journée, quand t'es fatigué, ça ressort comme ça, en fait. Et puis après, il y a la chute aussi parfois. Tu sais, la chute. D'un coup, t'as l'impression que tu vas tomber d'un immeuble ou tomber de je sais pas quoi. Puis tu te réveilles. Steve qui dit, un jour, j'ai rêvé que je tombais dans un trou noir. Pas vous ? Bah, trou noir, ouais, ça fait partie de la chute, je pense. Bastien aussi, putain, aujourd'hui, je me suis endormi en cours. J'ai rêvé que je tombais d'une falaise. Je me suis réveillé en criant, en sautant dans la salle de classe. La prof m'a pris pour un fou. Ça, c'est drôle. Et va t'en dire au prof, ouais, mais je rêvais. Ah bon, mais comment ça tu rêvais? Moi j'ai pris genre 2 heures de colle pour ça. Hein. Ah ouais? Genre en fait je me suis pas endormi, mais tu sais, j'étais en train de rêvasser. Et là la prof elle m'appelle, j'ai gueulé un truc de ouf dans la classe. Et donc elle m'a fait, ouais, bah si c'est comme ça tu sors 2 heures, bim. Bon, okay. Comment elle a fait la prof? Christophe. Et enfin, ça c'est ma mère. Ah oui, c'est vrai, merde. Ludie aussi qui dit, une fois j'ai rêvé que Toff était dans mon lit, en fait non, c'était un cauchemar. Oui, heureusement. Hein. Et Jason qui est trop fort, le daron qui pétait un câble, et le prince qui dit, moi mon pire rêve c'est que j'ai rêvé que Charlie Chaplin m'assassinait avec plein de coups de couteau dans le ventre, c'était horrible. Charlie Chaplin. C'est pourquoi Charlie Chaplin et pourquoi voudrait-il te tuer? C'est ça la grande question. Il y a aussi Franck qui était avec nous au début. Tiens, Franck, non, c'est Flavien, pardon. Salut Franck. Salut. Ça va? Ouais, toujours. Ça va. Bon, alors c'est quoi tes rêves bizarres, toi? Bah, en fait, c'est vrai que c'est assez bizarre. Je suis dans une ville, je me balade dans une ville. Ouais. Je suis à ras de terre, en fait. Comme je sais pas dans quoi je suis, j'arrive pas à voir. Mmh. Et tout le monde m'ignore, les passants, tout le monde m'ignore. Mais... je compte aux yeux de personne. Mais ah ouais, tu es un rat de terre ou tu es un rat? Non, je suis un rat de terre. Ah. Non mais je posais la question, je crois. Donc t'es un rat de terre et donc un peu comme Chéri, j'ai rétréci les gosses. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que t'es là, t'es tout petit et en fait personne te calcule parce que personne te voit. Un mini pouce, quoi. Ouais, une mini merde. C'est ça. Et c'est assez stressant. Ouais, c'est ça, une mini toff. Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. Oui, mais ça dure longtemps. Enfin oui, en même temps, c'est un rêve, tu peux pas savoir. Mais je veux dire, ça arrive souvent? Bah ouais, assez fréquemment, ouais. Oh, c'est marrant, ça. Moi, je me souviens rarement de mes rêves. Bon, après, je dors pas assez pour m'en souvenir assez longtemps. Mais oui, c'est vrai, je m'en souviens assez rarement des rêves. Sandro, le dernier rêve, c'est quoi, toi? J'ai rêvé que je dormais, c'était génial. Je m'en rappelle pas. Voilà. Tu te rappelles pas? Non, ouais, je m'en rappelle rarement. Mais quand je fais l'effort de m'en rappeler, Il faut que tu te le dises dans la journée. Putain, faut que je me rappelle de quoi j'ai rêvé ce soir. Ouais, non, mais moi j'ai déjà essayé. Et par ça contre, revient ça tout pas, seul normalement. Ah non, moi pas. Toff, lui, il rêvait qu'il niquait une meuf, non? Exactement. Voilà, laquelle? Enfin, c'était même plusieurs. Je sais pas, en fait. Ah, il y avait plusieurs, ouais. Ouais, c'était à l'hôtel. Enfin, c'était genre hier, quoi. Ah, mais c'est parce que je rappelle que Toff a eu un date. Ouais. Il a ouais. Après le resto, date, il est parti avec une blonde. Hop, oh, on l'a plus vu de la nuit. Ouais. On l'a vu le lendemain matin. Il était au petit déj. On sait pas ce qui s'est passé, mais pas trop frais. Il était pas frais. Bah, il moi était non pas plus, très frais, donc, mais ah, tu ne te souviens pas. Il non. avait la gueule pliée, tu sais, comme les mecs, là. Comme si on lui avait repassé le visage. Exactement, ouais. Ah, peut-être qu'elle l'a frappé. Peut-être. Peut-être qu'elle lui a mis des patates et tout. Ça aurait pu être pas mal, ça. Parle pour toi. Bah écoute, ouais. Ça aurait personnellement, cool. le sadomasochisme ne m'a jamais beaucoup excité. Sérieux, ah bon, Toff? C'est parce qu'il sait qu'il va perdre avec une meuf. Tu t'es jamais fait fouetter le cul? Non, mais c'est pas pareil, ça. Ah, voilà, c'est ça, ouais. Se faire fouetter et se faire mettre des pinces, c'est autre chose. Je suis sûr que tu te fais attacher, t'es en mode cuir. Ah, mais j'adore ça, me faire attacher. Oh. Sérieux? Mais bien sûr. Ah, y a une... Alors, je peux raconter vite fait un truc ou pas? Bon, alors, attendez, Franck et Valentin, on est parti sur autre chose, c'est quoi l'histoire? C'est ouf, ce mec. Ouais, ça marche. Alors, en fait, il y a une meuf avec qui je suis sorti il y a un moment, ouais. qui m'a emmené dans une espèce de cave un peu bizarre. Oh tu veux pas savoir? Okay, si, on veut si, savoir. Si, bah vas-y, nous on veut savoir. Et donc en fait, dans la cave, il y a une croix de Saint-André. Donc, qui sait ce que c'est qu'une croix de Saint-André? Mais t'es avec elle? T'es encore avec elle? De temps en temps, ou toujours, ou jamais? Non, c'est pas un moment, c'est passé. Donc je suis. Bah explique la croix de Saint-André. La croix de Saint-André, donc c'est donc vous voyez la croix de Jésus-Christ machin, ouais, c'est pas celle-là, c'est celle qui est de travers en fait, donc ça fait une espèce de X. Ouais. Et donc la meuf m'a attaché là-dessus. Et Mais t'es un ouf. Ah, c'était mais dans une excitant. Cave. Oui, c'était dans une cave. Mais une espèce de truc voûté, machin. C'était super mais excitant. Tendague. Mais attends, mais c'est qui la gonzesse qui a une cave avec des croix comme ça? C'est les barrés. Une meuf un peu gothique. Je dirais pas qui mais, c'est plus. Mais attends. On la connaît. Mais tu l'as croisée. Mais admettons. Et Polo aussi? Non. Admettons que tu te fasses attacher. Ouais. Et elle se ramène avec un gars de ceinture. Ouais. Mais elle peut pas, je suis attaché, donc elle peut rien me mettre. T'es sûr de ça? Bah je suis collé. Sauf si un petit trou sur la croix. Je suis collé à la croix, sauf ouais, c'est sauf si un trou l'autre. Eh, tu me tues tous les jours. Mais toi. Oui. Eh, Franck et Valentin, vous avez déjà fait des trucs comme ça là? C'est super excitant. Parce que tu sais que tu peux rien faire, c'est-à-dire qu'effectivement t'es à sa merci quoi. Ah, Franck et Valentin? Ouais. Vous avez déjà fait les trucs, vous êtes fait attacher sur une croix dans une cave. Oh Polo, j'ai envie de t'attacher. Il est pas sérieux, je suis complètement barré. Attends, pas dans une cave qui a répondu? Moi c'est pas, non, j'ai dit que ça m'est jamais arrivé. Ah toi ça t'est jamais arrivé, et Valentin? Pas dans une cave, non. Pas dans une, mais tu t'es déjà fait attacher? Ouais. D'accord. Oh, mais qu'est-ce qui vous arrive les gars, bah, vous êtes fous quoi? Pourquoi pas. On sait jamais. Bon ben Franck et Valentin, merci à vous deux en tout cas d'être passés. Je sais pas si vous avez encore un truc à ajouter par rapport au rêve. Non, par rapport au rêve, non. Je pense que ce serait possible de faire une petite dédicace. Bah écoute, vas-y, il y a une personne, hein, comme tout le monde, hein, choisis-la bien. Bon, et bah je fais une super dédicace à mon grand cousin Diulo. D'accord, et bah le message est passé sans problème. Passe une bonne soirée alors, et bonne nuit plutôt même. Ouais, bah merci. Et ça, c'est possible d'avoir un pack fun? Oui, tu vas gérer ça avec Sandro au standard, je te la repasse tout de suite, y a pas de problème. Salut. À bientôt à vous deux, merci beaucoup. On va prendre Emile qui dans quelques minutes, Flavia également qui avait lancé le délire, Aurélien et Marianne pour parler de la masturbation. Et puis bah du coup on va faire ça juste après le son de Martin Garrix. Guillaume, encore un coup la colle. Ok, ça va. Allez, une dernière fois la colle et c'est la PS4 à gagner. Donc vas-y, fais péter. Ôtez-moi une lettre, ôtez-moi deux, ôtez-les-moi toutes, je reste toujours la même. Ici. Voilà, une dernière fois donc, ôtez-moi une lettre, ôtez-moi deux, ôtez-les-moi toutes, je reste toujours la même. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L suivi de la réponse au 64 900 ou au 63-22 pour la Belgique. Si vous voulez jouer aussi sur le Facebook, c'est possible, facebook.com/M-I-K-L-officiel. On proposait l'amour. Non. Un timbre-poste. Même pas. Une page. Non plus. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour, hein. Donc on tire au sort dans moins de 5 minutes. Bah, juste après le son de Martin Garrix avec Wizard, vous avez été nombreux à me le demander. Eh bah, je vous le mets dans quelques minutes. On aura les teubés de la télé, on aura le chéri, je peux te faire cocu. Et le gagnant, Guillaume, je te souhaite bonne chance. On donne la réponse dans moins de 5 minutes, d'accord? Ouais. Allez, bouge pas de là, tu sauras dans moins de 5 minutes, tu repars avec la PS4. Si vous avez la bonne réponse, eh bien vous nous envoyez votre message. Si on vous appelle et vous avez la bonne réponse à l'antenne, vous gagnez la PS4. Et du coup, Guillaume ne gagne rien. Et si vous passez l'antenne et que vous n'avez pas la bonne réponse ou que vous ne décrochez pas, et que c'est le répondeur, du coup c'est Guillaume qui gagnera la PlayStation 4 dans quelques minutes. Je vous souhaite donc bonne chance. Et voilà, vous l'avez demandé, on se le met maintenant, le son de Mars. Martin Garrix sur Fun Radio. Son que vous avez découvert dans Party Fun tous les week-ends sur Fun Radio. Le son de Wizard maintenant, il est minuit 3 et c'est la nuit sans pute. Martin Garrix, le nouveau, c'était Wizard. Venez foutre le bordel tous les soirs. Tu me dégoûtes. No Limit. Fun Radio. Nickel, No Limit. On Fun Radio. Et je vous cale aussi dans quelques minutes le son de Clan Carousel. Ce sera Santanz. Puis j'aurai aussi Avicii. Hein. Hey brother. What if I'm Et je vous calerai aussi justement le son sur lequel Toff nique en général. Ozzy avec Born Again. Et si vous avez un son que vous avez envie d'écouter, là comme le son de Martin Garrix ce soir là, n'hésitez pas, hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission, sur le Facebook également, ou en envoyant Mickaël, suivi de votre message par SMS au 64-900 ou au 30-44 depuis la Belgique. Bon allez, la réponse à la colle maintenant avec Guillaume qui est de retour. Avant de se faire le chéri, je peux te faire cocu avec Soumaya. Nous allons jouer au chéri, je peux te faire cocu dans quelques minutes. Guillaume. Ouais. Bon, allez, c'est parti pour la colle. Maintenant, la réponse à la colle. Guillaume, la pression est là, la pression est au taquet, la pression est forte. Tu vas peut-être repartir avec la PlayStation 4. Ah, ce serait beau. Ouais, ça serait magnifique. Bon, Guillaume. Oh merde, ça a coupé. Trop de pression, Guillaume est raccroché, il a peur, il s'est chié dessus. On le rappelle en direct, attends, bouge pas. Attends, on va le rappeler directement, je sais pas ce qui s'est passé. Alors, Guillaume, t'as failli perdre, la mec, t'es ouf. Je sais pas, t'as raccroché tout ça. Mais j'ai bien vu, ouais. Bon, on y va, on l'appelle. Ouais, pourvu qu'il réponde pas. Ah bah ouais, j'imagine, Guillaume. Donc je rappelle que si la personne qu'on appelle maintenant ne répond pas ou donne la mauvaise réponse, c'est toi qui gagnes. S'il donne la bonne réponse, tu perds, Guillaume. On y va ? Ouais, allez. Allez, c'est parti, on y va, on appelle. C'est quelqu'un qui s'inscrit soit via SMS, soit via le Facebook, comme tous les soirs. Première sonnerie, Guillaume. Allô. Allô. Salut, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio, comment tu t'appelles? Yanis. Salut Yanis, t'es dans quelle ville, t'as quel âge toi? J'ai 15 ans. Très bien, et t'es dans quelle ville? Drancy, 93. Très bien, bon, alors Yanis, il y a Guillaume qui a une question à te poser. Oui. Alors vas-y. Ôtez-moi une lettre, ôtez-moi deux, ôtez-les-moi toutes, je reste toujours la même, qui suis-je? Une boîte aux lettres. Ah, fuck. Eh oui. Eh ben bravo Yanis, la PlayStation 4 est pour toi avec le coffret soda également qui vient de sortir. Oh là, on te file la doublette. La doublette Yanis, bah bravo. C'est magnifique. Et tu peux remercier. Pour Noël. Tu peux remercier Guillaume à qui tu viens de pécho la PS4. Ah oui, merci beaucoup. Enfin, désolé pour lui. Ah oh là là là là là là là là. Bon bah écoute Guillaume, c'est pas grave, hein, tant pis, hein, tu retentes ta chance quand tu veux. Hein. Ouais ouais. Bon. Et c'est possible grave. D'avoir un pack? Oui bien sûr, sans problème, on va t'envoyer ça, tu vas rester chez Sandro standard. Et passer une petite dédicace. Allez vas-y, profite à une personne. Qui c'est qui est en train de se branler là? c'est pas moi. Parce que j'entendais. Vas-y. Non, vas-y, c'est Guillaume. Moi qui montais le volume. Ah d'accord. Allez, ok. Grosse dédicace au collège lycée Saint-Gabriel. Très bien, bon, on embrasse tout le monde là-bas, y'a pas de problème. Merci Guillaume d'être passé hein. Allez, salut. Bon allez, prochaine fois t'auras plus de chance, t'inquiète. Yanis, tu restes avec nous, on va prendre tes coordonnées, on va t'envoyer la PlayStation 4 comme promis. Tu vas pouvoir jouer à ce que tu veux, ça va être la folie totale. D'accord. Salut beaucoup. À toi Yanis, à bientôt hein. Et reste à l'écoute de Fun, n'oublie pas de prévenir tes potes, pareil aussi Guillaume hein. Y'a pas de soucis, je suis déjà au courant. Ah d'accord, ok, très bien, fais encore un tour, on sait jamais qui a pas encore découvert qu'il se passait quelque chose sur Fun Radio la nuit de 23h à 2h. Salut à vous, d'accord. Merci beaucoup d'être fidèles, salut, à bientôt. Allez, ciao, avant de récupérer Magdalena dans quelques minutes, de récupérer Marianne pour parler de la masturbation, puisque c'est le thème avec Toff hein, ce soir. On appelle des gens au hasard pour les prévenir en fait, hein, que la masturbation féminine n'est pas... Ce n'est pour pas la santé, sale. C'est important de le faire d'ailleurs pour la c'est santé. C'est très important. C'est très important. Mais avant de continuer à parler de ça, de continuer à parler avec Magdalena, avec Marianne et avec vous toutes et vous tous, en appelant le 01 42 48 5000 ou le 02 851 4x0, eh bien nous allons accueillir maintenant Soumaya pour le chéri. Je peux te faire cocu comme chaque lundi. Comment ça va Soumaya? Ça va et toi? Bah écoute, plutôt pas mal, Soumaya, tranquillement. T'appelles de Charleroi, toi? Ah, oui. Cette magnifique Charleroi. Ville. Ah, quelle est belle. Mais oui, belle, grande, forte, intelligente. On a l'or noir chez nous. Ah oui, mais il n'y a pas que l'or, hein, tout noir. Est noir. L'or noir, charbon. Ah oui, bah c'est sûr, ouais. Je rappelle que Charleroi a été élu, ce n'est pas moi qui le dis, Charleroi a été élu la ville la plus laide du monde. C'est vrai. Même si c'est la ville la plus laide, il y a la fille la plus belle. Ouais. Oui, peut-être que tu t'emballes un petit peu, mais bon, non, ça immédiatement. Non. Combien mesure Soumaya? Dans les 1,65. Ouais. Combien pèses-tu? Eh bien, dans les. Dans les, oui, parce que ça fait longtemps que je combien pèse Soumaya? Je pèse 52 kilos. Quel est le tour de poitrine de Soumaya?

Tu m'écoutes? Ouais. Je l'ai dit que je suis en couple et tout. En train de tout casser. Et il est en train de me proposer un plan pour ce soir. Enfin bon, ça on va parler vite fait quoi. Demain c'est à l'école. Quoi? Demain c'est à l'école. Henri, ce qu'il raconte? Demain il sera à l'école. Ouais. Mais là je suis... Attends, je suis avec lui. Michel, attends deux secondes, je vais te le passer. Oh, qu'est-ce qu'il dit alors? Attends tout ce que ça te marre. Non non, et attends, viens pas, attends, écoute. Allô? Je suis pas à l'école là, je suis pas à l'école. Allô? Attends, tiens Michel, ouais. Bah hey, quelle heure? Qu'est-ce que tu fais avec ma copine? Ah bah je sais pas, je l'ai rencontré à l'école là, donc du coup je l'ai discuté quoi, comme elle était mignonne et tout. Bah tu vas la laisser là tranquille maintenant, sinon je viens maintenant. Bah tu viens maintenant où? Je viens maintenant, je vais tuer ta mère. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais même pas où je suis là, on est chez moi là. C'est quoi le problème? Ok, j'arrive. Mais t'arrives où? C'est même pas où j'habite. Ok, j'arrive, fils de mais pute. Tu vas où? Mais quelle avance. Mais tu vas où? J'arrive, je vais baiser ta mère, fils de pute. Non mais d'accord, ça c'est une chose, mais... Attends, je comprends pas cette agression là. Je vais exploser ta mère, fils de pute. Nickel, avance, nickel, lève-toi. Non mais attends, mais tu sais même pas où j'habite. Vas-y, donne l'autre, Et comment tu t'appelles? Donne l'autre. Donne l'autre quoi? Donne à l'autre, je vais tuer ta mère. Mais c'est qui? De qui tu me parles? Donne à l'autre, je vais tuer ta mère. Mais je comprends pas ce que tu me dis. Eh, fils de pute. Mais qu'est-ce que tu... Bah là, je suis chez moi, pourquoi? Enfin, on est chez moi. Où t'habites? Mais ça te regarde pas, t'es de la police. Je vais te... Ah, ça fait le moins de malin, là, hein. Oh, qu'il est bête. Ah, ils vont... Ah, j'en suis sûr, c'est la radio. Ah, putain, bravo, hein, Soumaya, hein. Ok. Hein, Soumaya? Il a fait écouter à l'autre connard. Ah bah bravo. Ah, eh bah voilà, un coup dans l'eau. Ah bah eh oui. Bah voilà. Ah, eh bah on voilà. Est bien là. Ah c'est con. Eh Adil, c'est con. Hein. Oui. T'aurais joué le jeu, t'aurais pu gagner là. Ouais, là c'est mort. Là, t'as tout taillé au début là. Enfin dès le début t'as tout taillé, c'est dommage. Bon bah tant pis alors, c'est pas grave. Hein? Oh putain. Ah, comment? Là, attends. Comment il a su? Ah bah comment c'est l'autre il a su, l'a ah bah c'est possible. Non parce que c'est impossible que tu me fasses ça. Ouais bah en même temps il y a le cul des bêtes aussi hein, que j'en sors assez régulièrement. Ah, ça, bon c'est... Bah tant pis, c'était bien essayé hein, c'est pas grave la prochaine fois. Mais tu m'as l'air un petit peu tendu Adil hein. Tu n'hésites pas à prendre un petit cachet à l'occasion hein. Également. Oui tu m'as l'air un petit peu trop un petit peu tendu. Ouais Soumaya. Nickel, tu peux lui dire qu'il arrête d'être jaloux. Parce que là j'étais même pas à l'école. Il croit que j'étais à l'école. Attends mais t'es jaloux Adil? Oui. T'es jaloux? Je suis pire que jaloux. Ah t'es pire que jaloux? Mais ça sert à rien là. À tout ce que tu vas faire c'est perdre ta meuf à être jaloux comme ça là. Non je vais jamais la perdre. Oh. Et en plus t'as même pas utilisé le fait qu'il se trouve gros deal. Bah ouais non, j'ai pas eu le temps là. Il a découvert directement quoi, t'as la radio, j'ai pas eu le temps. Mais j'ai ça pas eu va, temps. Il a, pendant 5 minutes il t'a insulté, je crois que... Ouais c'est vrai, ouais. Non, ça va, j'ai pris cher. Ah j'ai pris bien cher là, ça c'est sûr hein, mais bon. En fait bien... il a fait bouger son pote. Tu m'étonnes, bah ouais. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Bon bah Adil, bah bonne soirée alors hein. Bonne soirée. Allez à bientôt et puis bah Soumaya, bah quand tu veux, hein, prochaine fois on fera autre chose hein. Ouais. Je parle à la radio hein, des fois qu'il pense autre chose. Il y a pas de souci ouais. Bon bah salut Soumaya. Ok bah salut. Ciao. Et il y a Fabienne qui dit aussi trop dommage, c'était prometteur lol. Bah oui là putain oui, bah il avait l'air prometteur en plus là, ça m'a déçu. Oh, il était chaud. Hein. Bah il ouais. Était chaud. Il y a Vincent qui dit on en veut un autre trop court dommage. Putain, je suis plié de rire quand même. Ah bah ça va, Cédric du 5-9 a rigolé un petit peu. Le prince qui dit oh non, trop court le chéri, je peux te faire cocu, victime du succès encore une fois. Bah oui, je sais. Maxime qui dit première fois que je vous écoute, vous êtes vraiment une bande de cons, je vous kiffe et j'ai pas fini de vous écouter. Et ben bah, merci Maxime et ben bah, pour merci. Le coup, je te mets une petite un petit message de bienvenue. Tiens, ça fait longtemps, tiens. Je t'emmerde, moi, enculé, va. Voilà. Bon, il y a Quentin aussi qui dit moi, une fois. Ah oui, ça c'était par rapport au rêve, on va en parler dans quelques minutes. Vous êtes cramé, bah oui, c'est Giovanni, bah oui, je suis d'accord. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Si vous voulez écouter, hein, on peut vous en refaire diffuser un des premiers, tiens, qu'on avait mais fait. Oui. Attends, qu'est-ce qu'il y avait encore? On avait des Liégeois. Ouais ouais, je me souviens plus lequel c'était, mais c'était un des premiers qu'on avait fait en août, je crois, ou en septembre, je sais plus, mais je vais essayer de le retrouver là, qu'on avait fait en août, je crois qu'on l'avait fait en août, mais je sais plus lequel c'est. Bref, on va essayer de le retrouver. Bah si vous voulez en écouter en particulier, si vous avez une idée bien précise d'un chéri, je peux te faire cocu que vous voulez réentendre. Et puis pour ceux qui ont débarqué il y a quelques jours, semaines ou même peut-être un ou deux mois, vous avez peut-être pas entendu cela justement, puisqu'on les a commencés au mois de juillet les chéri, je peux te faire cocu. Donc on va vous en mettre un autre, ce sera d'ici quelques minutes. Donc restez bien avec nous et puis bah du coup, tant qu'on est là, hein, on va s'écouter le son de Clan Carousel Suntans juste après Marianne, promis le retour. Léa également qui voulait réagir au rêve. Il y aura Magdalena, il y aura Flavien, il y aura Emile, il y aura Ismore, il y aura également Aurélien pour la masturbation. Et puis nous allons évidemment encore faire des appels avec Toff afin de prévenir les gens que la masturbation est très très très bonne pour la santé. C'est la nuit sans pub, c'est le Clan Carousel maintenant. C'est Mickaël No Limit jusqu'à 2h. Bienvenue. Carousel sur Fun Radio avec Sun and Tans. Et restez sur Fun également puisque je vous cale dans quelques minutes le son de Asie. Voilà, ça va arriver dans quelques minutes ça, sur Fun Radio là. Restez bien avec nous évidemment, comme tous les soirs on est en direct de 23h à 2h du mat. Il y a Stéphanie qui dit ah moi j'ai pas entendu ceux de cet été. Ah ben voilà, on vous a trouvé la crème de l'été. Ah ouais, parce que il était bon celui-là. Bah comme on vient de foirer le chéri, ouais. Je peux te faire coquer avec Soumaya parce que son mec, il y a un pote qui lui a dit que ça passait à la radio, du coup ça nous a grillé. Donc on va vous en mettre un vieux là, histoire de pas vous laisser comme ça crever de faim quoi. Donc on va vous le mettre dans quelques minutes, vous allez voir, celui-là était magnifique, on l'avait appelé à Liège. Le mec était énorme. Je peux vous mettre un extrait, attendez, parce que je les ai là, attendez. Alors l'extrait de ceux qu'on va vous mettre maintenant, c'était ça. Pour ceux, ça va peut-être rappeler des souvenirs à ceux qui étaient là en juillet. Et puis pour les nouveaux, ça va peut-être vous mettre au la bouche. C'est quoi ce bazar? C'est qui ce connard là? Pourquoi tu t'énerves bébé? T'énerves pas! Voilà, il y avait ça. Je vais baiser ton cul, je vais mettre une bite dans ton cul, tu vas voir c'est quoi ce connard. Je vais te mettre une gomme dans ta gueule, connard. Je comprends rien à ce que tu me racontes. Demande pardon à Michel. Voilà. Merde. Alors, dis-moi de quoi, on va peut-être reculer, ouais. Excuse-toi d'avoir été aussi grossier. Voilà, donc il était tellement agréable celui-là. Je vous le remets dans quelques minutes. Eh oui, Damien qui dit un autre chéri, je peux te faire cocu, s'il te plaît. Ben on va le faire du coup. Et Zifrit, d'ailleurs si vous voulez faire un chéri, je peux te faire cocu aussi en direct, vous pouvez l'appeler, hein. Vous pouvez m'appeler maintenant. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 puis la Belgique. Zifrit donc qui dit Maillot c'est chiant, on veut un autre. Il comptait pas celui-là du coup. Bah oui, non, d'accord, effectivement. Et quant à qui dit, mais moi une fois j'ai fait un rêve où je me pendais, je me suis réveillé en m'étouffant. Ça aussi. Effectivement. Bon, alors, on va continuer, on va terminer avec les rêves, là, avec Flavien qui est avec nous également, là. Flavien, t'es là? Ouais, toujours. Bon, alors, Flavien, c'est toi qui avais lancé le bordel, hein, ton rêve bizarre, là. Ouais. Explique-nous peut-être un peu plus en détail ce que c'était. Bah, en fait, c'est un rêve que je fais depuis un certain moment, déjà. Ouais. Et en fait, je sais pas si je suis réveillé ou pas. Ouais. À ce moment-là, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en face de moi. En fait, c'est une silhouette d'homme, noire, toute noire. Il y a personne, il y a pas de visage en fait. Ouais. Et ça me tient les poignets et je le regarde droit comme si je le regardais dans les yeux. Et en fait, je me réveille d'un coup, mais j'avais pas eu l'impression de dormir en fait. C'est vraiment bizarre. Tu as déjà été consulté? Non. Non, tu devrais peut-être. Oui, pense-y. Je pense aussi. Ouais. N'hésite pas à les voir. N'hésite pas à demander des conseils. Non, mais je suis pas servir. Le seul en plus. T'es pas le seul. Mais comment ça, ouais. T'es pas le seul? C'est-à-dire j'en ai parlé à un pote là qui est là avec moi et c'est pareil pour lui. Il a déjà fait ce rêve au moins une dizaine de fois et on sait pas d'où ça vient. C'est bizarre ça quand même, vous avez fumé, ouais. Peut-être les mêmes substances? Oui c'est ça. Bah vous... non. Des champignons peut-être? Ouais c'est ça, des champignons hallucinogènes, un space cake. Non. Non plus. C'est un truc de ouf quand même. Ouais, parce que c'est quand même chelou ce rêve. Hein. Oui, c'est ça, c'est quand même bizarre comme rêve, tu sais, c'est pas un rêve à la con que tu sais que tu fais genre la chute, tu sais quand t'as l'impression de tomber d'un immeuble ou que je sais pas dans un trou enterré vivant, enfin encore à la limite ou même le comme Toff là avec les dents cassées, un rêve que tout le monde a fait un moment ou un autre à la limite, tu vois. Mais là c'est quand même bizarre hein, ton rêve hein. Ouais, je sais, c'est pour ça que je voulais en parler un peu. Bah oui. Savoir si j'étais le seul, enfin si on était les seuls avec mon pote. Bah je sais pas, écoute, on va demander hein. Attends, il y a Léa également qui est avec nous des Vosges là. Salut Léa. Salut. Comment ça va? Très bien et vous? Ah dis donc, c'est un Léa, ce salut est un salut sec. Ouais. Hein? Ah Léa. Pas forcément. Bah si, si, si, si, si. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Mais c'est pas grave. Léa, sois la bienvenue quand même. Mmh. Alors, tu voulais parler des rêves ? Ouais. Est-ce que tu as déjà rêvé de moi ? Non. Ah. Alors, effectivement, je comprends que tu nous appelles. Tu as rêvé de quoi ? De Toff ? Non. Tu as fait des cauchemars ? Oui, c'était un cauchemar. Ah, c'était quoi le cauchemar ? Alors, en fait, pendant plus d'un an, j'étais au sommet d'une montagne. Je tombais, et plus je tombais, bah forcément, plus j'étais noir. Attends, juste un truc. Pendant plus d'un an, c'est-à-dire que pendant plus d'un an, tu as rêvé de ça ? Ou alors tu as rêvé que pendant un an, tu étais au sommet de la montagne ? Non, pendant plus d'un an, j'ai rêvé de ça. Ah d'accord, ok, ouais, d'accord. Donc tu rêvais plusieurs fois du fait que t'étais coincé sur la montagne. Voilà, c'est ça. Et en fait, j'en tombais de cette montagne et plus je tombais, plus il faisait noir. Moi, j'arrivais à respirer dans mon rêve et mon compagnon m'a réveillée à plusieurs reprises où je me réveillais toute seule en pleurant parce qu'en fait, j'arrivais réellement plus à respirer dans la vie réelle. Et du coup, bon, au bout d'un an, j'en ai eu marre, donc je suis allée consulter. Il était peut-être temps hein, de se réveiller, tu vois, après un an. Hein. C'est vrai. C'est pas mal. Donc, du coup, j'ai fait une thérapie qui a été assez longue. Et en fait, il en est ressorti que c'était à cause de la mort de mon arrière-grand-mère qui était... on était vachement proches et je me sentais abandonnée. Et ma thérapie, elle a duré, c'est pareil, un an et demi. Ouais. Et en fait, après cette thérapie... Ça allait mieux. J'ai fait le même rêve, sauf que là, une personne m'a rattrapé par la main. J'ai pas vu son visage, mais du coup, une personne m'a rattrapé par la main et c'est la dernière fois que j'ai fait le rêve, là. C'est énorme. Putain, c'est bien, ça. Ah là là. Bah, comme quoi ça sert, hein. Et finalement, tu vois, Flavien, ouais. Avec ton pote, c'est peut-être pareil, hein, c'est peut-être dû à quelque chose. Ça, c'est certainement ça, d'ailleurs. Bah, certainement, mais bon... Mais bon, là, c'est pas la réponse que t'espérais. Non, mais je sais pas, après, comme ça, non, je pourrais pas dire. Bon, comme ça tu peux pas. Non, mais ça c'est sûr que tu peux pas dire. Après, c'est pour ça, elle avait été consultée, hein. Faut voir. Hein. Faut essayer après. Hein. Le fait de les consulter, ça veut pas dire que t'es taré. Hein. Oui, tu vas voir. Ouais, non, mais j'ai pas dit le contraire. Voilà, tu peux aller voir un marabout. On a plein de numéros sur le marabout. Hein. Non, ça va aller. Mais on en a reçu un nouveau là, faut qu'on l'appelle. Oh, il a l'air énorme. Alors, faut d'abord qu'on se renseigne pour être sûr, mais je pense qu'on va l'appeler demain. Oh là là, il a l'air phénoménal. Ah, il a l'air exceptionnel. On peut donner le thème, hein. Bien sûr. Voilà, parce qu'on on a reçu cette proposition et apparemment, ce marabout peut réparer votre ordinateur par la pensée. Et donc, je vais venir demain. Par télépathie. Oui, par télépathie. Donc, je viendrai demain avec un ordinateur en panne. Et puis, on va essayer de le réparer, hein, avec la télépathie. Donc, on va voir comment ça. Je sais pas du tout ce qui va se passer. On verra. Il y a également Magdalena qui est avec nous de Rouen. Salut Magdalena. Salut, salut. Comment ça va? Ça va, et vous ? Bon, écoute, on est bien là, on est de retour de Montpellier à la cool. Toff s'est pris des claques, à mon avis, quand il est parti avec une certaine blonde du restaurant. On n'a plus de nouvelles après. Moi non plus. Voilà, il est parti de 1h du mat à 5h du mat. À votre avis, qu'a-t-il fait un samedi soir ? Caca. Voilà, étonnant, hein ? À ton avis, il a fait quoi, Magdalena ? Oh, des choses cochonnes. Ah, il y a des choses, chance. Léa, à ton avis, il a fait quoi pendant 4 heures ? Également, je pense, des choses cochonnes. Oui, Flavien, à ton avis, il a fait quoi ? Moi, des choses cochonnes dans un coffre. Dans un coffre. Non, il était pas dans un coffre, il était attaché au pare-choc de la voiture. Et elle m'a fait courir. Et oui, jusqu'à Fouriani, oui. Exactement. Bon, alors, sois la bienvenue, Magdalena. Tu voulais réagir aussi par rapport au rêve. Par rapport à un rêve que j'ai fait, ouais. J'ai rêvé que mon mec tourne un film porno. Et chez ma grand-mère. Ah, sympa. Classe. Ouais, bah en fait, j'assistais et tout. Il y avait ma grand-mère aussi qui regardait. Et voilà, c'était un peu chelou. Quelle horreur. Et on se faisait une branlette en famille. Avec la grande, ça. Non, mais avec oui, c'était terrible. Hein. Je me suis réveillée d'un coup. Waouh. T'étais mal. Avec la grand-mère qui regardait là aussi. Elle servait le thé. Oui, c'est mais ça. Elle est toujours vivante ou... Oui. D'accord, ok, bah heureusement, c'est toujours ça de pris, quoi. Non, non, mais tu sais, parce que parfois tu rêves des trucs, tu mélanges tout, t'es dans des trucs qui n'ont ni queue ni tête comme Toff. Et voilà, tu rêves de tout ça et c'est super perturbant. Toff, il a une queue. Enfin bon, il n'y a pas de tête en l'occurrence. Mais, D'ailleurs, Sandro, elle rêve qu'elle rencontre Michael Jackson tous les jours. Hein. Exactement, ouais. Elle rêve aussi de coucher avec Toff. Oui, c'est un grand rêve aussi. Voilà, mais qui se réalisera un peu, il suffit de demander. Hein. Non, c'est un fantasme. Il paraît qu'il ne faut pas réaliser ses fantasmes, Toff. Ah, bon. Dommage. On est toujours dessus. Oui, bah, oui, paraît-il. Bon, il y a Emile également pour les rêves là, de Montpellier. Ah, bah salut Emile. Salut. Comment va Emile ? Ça va Emile ? Allô, oui. Bon, moi je parlerai encore un peu plus bas, on sait jamais. Oui, c'est des fois que tu réveilles tout le monde. Bon, Emile. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, toi ? Tu voulais parler des rêves ? Toff. Oui, Toff. Oui. C'était une blonde. Enfin, c'était une blonde. Après, peut-être que c'était un blond à une époque, mais en tout cas, là, c'était une blonde. D'accord. Pourquoi ? Parce que je suis blond et j'ai les cheveux assez longs. Ah oui. Ouais, bah, enfin, tu te souviendrais si tu t'étais tapé off quand même. Ah, oui, sûrement. Ah oui, voilà, il me semblait bien. Ouais. Bon, t'es pas venu nous voir, Émile ? Non. Eh ben, bravo ! Ah, on se déplace, tu viens pas nous dire bonjour ? Ah bah j'aurais beaucoup aimé hein. Ah bah oui, bah regarde, t'aurais bien aimé mais finalement t'es pas venu hein. D'ailleurs je viens de vous mettre une nouvelle vidéo aussi hein. Pour ceux qui n'ont pas vu la première, c'est la seconde partie de notre petite trip à Montpellier. Il y a des vidéos, il y a des images du lycée Joffre. On avait été vous chercher, on avait fait des jeux avec vous pour vous offrir la PS Vita. Il y a des photos, il y a des vidéos également de la petite Twizy, là, la voiture là, qui était logotisée aux couleurs d'émission, qui était super mignonne. Oui, on a fait un petit tour avec Polo. Bah, il a fait un tour sur la place de la Comédie, il était content avec Polo derrière, ouais, il était chauffeur. Plus, ouais. Voilà, tranquille, elle a cool. Et puis dans les studios également. Bon, Émile. En plus, je sors de chez moi, je suis à la place de la Comédie. En plus, mais toi, Émile, alors, voilà. Tout ce que tu mérites, de toute façon. Un chewing-gum, Émile. Complètement. Bon, alors, Émile, tu voulais réagir par rapport au rêve, toi, on t'écoute. C'est de la peur. Donc, en fait, c'est demain. Attends, tu peux parler un peu plus fort, mec, parce qu'on n'entend rien. Déjà, nous, avec le casque sur les oreilles, c'est compliqué, mais j'imagine celui qui est dans sa voiture ou dans le camion, là, je pense qu'il doit bien galérer. Alors, vas-y, répète, tu dis. Donc, en fait, j'étais dans mon arrêt. J'étais marchand de sextoy d'occasion. D'occasion, oui. D'occasion. Il était marchand de sextoy d'occasion. Oui. Et oui, très peu servi. Et donc. Et donc la police arrive. Donc la police arrive. Je continue, je redis ce que tu dis parce que les gens comprennent pas. Donc voilà. Donc marchand de sextoy d'occasion, la police arrive et. Bonjour, inspectionne du sextoy. Et tout à fait. Et puis. Il vide mon stand. Il vide. Il vide ton stand. D'accord. Ensuite. Attends, c'est pas parce que je répète ce que tu dis que tu dois parler encore plus bas. Ouais, il a peur que son daron l'écoute, je pense. Bah oui, mais. Le grille. Oui, c'est ça. Voilà, mais parle encore un peu plus fort quand même. Donc, ensuite, il y a une guerre. La guerre du sextoy. C'est ça, les rêves. Après la guerre des boutons. Et puis. Oui, donc, et puis, ensuite, je suis allé me réfugier chez mon oncle. Je sais pas comment j'ai fait, je suis tombé dans une fosse à purin. T'es tombé dans quoi ? La fosse à purin. Une fosse à purin, mais mec, et il se passe. T'es pas fini, mec, hein. Le cerveau il a pas été fini en entier. C'est un truc de ouf. C'est quoi ce dos ? Vas-y, continue. Tu te branles là ou tu fais quoi ? Émile, qu'est-ce que tu fous ? Oh merde. Ah, il vient de se faire griller. Tu vas pas parler encore plus doucement là, Émile. Même nous on comprend pas grand chose avec le casque, alors bon. Mais peut-être que si on parle tous comme ça avec la compresse, ça va remonter. Ouais, peut-être. Mais non, vas-y, continue, t'en fous. Et t'es un rebelle ou pas ? Oui. Bon, bah alors si t'es un rebelle, continue, on s'en fout. Parle normalement, vas-y, t'en as rien à foutre. Voilà, tu dis, ouais, non, mais c'est ces connards là, ils m'ont réveillé, ils m'ont téléphoné en pleine nuit, tu mets sur notre gueule, c'est pas grave. Ouais, tu t'offres. Voilà, tu dis que c'est un mec qui t'appelle pour savoir si tu te masturbes. Voilà, c'est ça. Et tu donnes le numéro et qui porte plainte contre Toff, TOPH. Ouais. Donc 01 40 48 5000, hein, CODF. CODF. Bon, Émile. Ah, il est parti. Émile ? Il dort parce qu'il est encore en jeu. Il fait genre il dort. Émile ? Ah, bah non, là, Émile nous a quitté. Oh merde, déçu parce que là, après la fosse à purin, là. Moi, j'aurais bien voulu connaître la fin. Ah, ouais, franchement, ouais, j'étais vraiment curieux de connaître la fin. Putain, déception totale. Bon, bah, Léa, Magdalena et Flavien, merci d'avoir appelé en tout cas pour les rêves. Hein. Et puis, si jamais tu trouves une réponse à ta question, Flavien, à propos des rêves, n'hésite pas à nous rappeler. Hein. Nickel. Ouais, j'ai pas de problème. Bon, oui, Léa. Il y a moyen d'avoir un petit truc ? Bah tu vas repartir avec le pack fun, on va gérer ça avec Sandro au standard. Nickel, merci, je peux gros avoir gros bisous pareil. Léa, oui pas de problème Magdalena, pareil, on va merci, trouver ça. Merci, en tout cas gros bisous à toute l'équipe. Merci Mag, gros bisous aussi, à bientôt. Salut, bisous, salut je Flavien, vous adore. Merci beaucoup, salut je les filles. Je peux faire une petite dédicace ? Allez vas-y, il y a une personne là, on t'écoute. Ok, bah je fais une dédicace à tous ceux qui m'écoutent. Très bien. Tu t'es enculé, je leur fais des bisous. Très bien. Hein ? Je t'emmerde moi, enculé, va. Voilà. Eh bah, le message est passé, Flavien. Magdalena, on peut lui envoyer un sextoy, non ? Bon, comme elle fait des rêves un peu chelous. Bah si elle veut, Magdalena ! Oui ? Tu veux pas un sextoy tant qu'à faire dans le petit pack fun là, puisque comme tu fais des rêves un peu chelous ? Oui, tant qu'à faire. Ah bah, très bien, offert ça, par passagedudésir.fr. Ah voilà. J'adore cette voix de teuf là. Merci. Quelle horreur ! Et puis comme ça au moins tu sauras pourquoi tu fais les rêves. Attends quoi. Mais tu kiffes teuf Magdalena ? Comment ? Tu kiffes teuf ? Non, ça va quand il dit ce moment là. Non, parce que sinon j'aurais pu te demander combien tu mesures, tout ça, mais... Non, ça va aller. C'est ce qu'on appelle une tôle. Voilà. J'ai l'habitude. Eh bah, pas de problème. Bon, Flavien et Mag, gros bisous à vous. Et puis, on va. Oh, on a des nouvelles! Devinez de qui on a des nouvelles? On a lancé un avis de recherche hier. Hugo! De notre ami Hugo, l'auditeur qui est passé. Bah, on lui avait demandé de traduire un truc. Genre, chaque fois, j'oublie moi. Blowjob. Blowjob. Can I have a blowjob, please? Et donc, du coup, bah, on lui avait demandé de demander à son prof, puisqu'il. Il ne savait pas le faire. Hein. Ouais. Est-ce que ça voulait dire Hugo? Ouais. Ah, putain, on a cru que t'étais mort, mec. Ah, oui. Non, je me suis fait punir un petit moment, en fait. Non. Ah. Bah, tu vas nous raconter ça dans quelques minutes. Bah, ça va être très bref. Hein. Y a pas grand chose à raconter. Ah bon? Bah alors, vas-y. Alors, dis-nous. Bah, c'est juste qu'en fait, j'ai de ma classe d'anglais. Je suis arrivé vers la prof. Je lui fais Can I make a blowjob? Can I make? Ouais. Mais c'est pas possible. Tu peux pas make toi-même. Voilà. Blowjob. Tu peux pas te faire une pipe. Bon bref, enfin, c'est peut-être pour ça qu'elle t'a puni, parce que t'as mal fait de merde, t'as mal fait le truc, faut recommencer, ouais. Mec. Et en fait, je sais pas, elle m'a rien, elle m'a fait quoi? Là j'ai fait non. Et donc du coup elle m'a pris par la main, elle m'a amené chez la directrice, elle m'a laissé me débrouiller avec la directrice, un mois mes parents, sur le mot c'est marqué 2 semaines de renvoi et en merde, je sais pas comment on dit merde. C'est quoi, c'est un mot anglais? Non, mais c'est le... Merde. Ah, si t'en perds ton français aussi, mec, t'es pas dans la merde. Hein. C'était quoi, manque de respect? Non, c'était... Merde, c'était quoi déjà? Grossier? Insolent? Vulgaire? Non, c'était prendre la parole de manière spontanée alors que je lève pas la main ou je sais pas quoi. Attends, ils sont sérieux? Ils t'ont mis deux semaines de renvoi parce que tu prends la parole sans lever le doigt? Voilà, mais j'avais fait plusieurs fois, donc... Ça mérite des heures de colle, ça mérite éventuellement un jour de renvoi, enfin même pas, mais pas 2 semaines. Ah si, 2 semaines. Et à mon avis, ça doit être à cause de la phrase, donc j'aimerais juste... Oui, non, ben ça c'est une certitude, hein. Mais bon, entre-temps, tu sais ce que ça veut dire? Non. Bon, enfin, mec, t'es sérieux? Tu t'es même pas renseigné, Hugo? Ah bah non, mais la prof, je l'ai jamais vu aussi énervé contre toi. Oui, c'est normal, c'est bizarre, dis donc. Mais c'est normal, tu lui as demandé si elle pouvait te tailler une pipe. Ah merde. Bah oui, mais Hugo, t'es sérieux? Tu t'es même pas renseigné, Hugo? Mais non, mais sans déconner, Hugo, là. Je te kiffe, Hugo, je te kiffe. Hugo, putain. Bon, c'est quand, c'est quand ton prochain cours? Ah, mon prochain cours d'anglais? Bah oui. Ouais, faut que je freine. Putain, j'ai déjà tout fait mon sac. Non, mais tu sais bien. Mais c'est demain. Alors, prochain cours d'anglais, c'est demain à 9h jusqu'à 10h. 9h, 10h, très bien. Bon, qu'est-ce qu'on peut lui demander demain, cours d'anglais? On va y aller doucement. Ouais, suck bah ouais. My fucking ass, man. Par contre, vu que les deux autres se sont un peu mal passés, je le sens mal, le troisième. Ouais. J'ai pas trop envie de me faire envoyer. Bon, c'est quoi ton autre cours de langue? T'en as un autre, genre espagnol ou autre chose? Ouais, espagnol, mais... Non, il y va jamais, là donc. La prof m'a dans le collimateur. Ah ouais, d'accord. Bon, écoute, on va laisser un peu pisser le mouton, hein. Mais... On verra ça l'année prochaine. Enfin, en janvier, hein. J'ai l'impression que je suis comme Toff. J'ai un sixième sens. J'ai une capacité de me mettre les gens à dos en moins de 10 secondes. C'est ouais, t'as vu, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais une capacité aussi à pas réfléchir, hein, Hugo. Hein. Ouais. D'ailleurs, pour la peine, t'en prends une. Voilà. Ouais, parce que t'aurais pu chercher blowjob, tu vois, dans YouPorn. C'était facile. Ouais, j'ai cherché sur Google Traduction, ça mettait des petites étoiles. Ouais. Oui, étonnant. Mais t'aurais cherché sur YouPorn, t'aurais trouvé plus vite. Beaucoup plus vite, ouais. Bon, Hugo, allez, bon cours d'anglais demain. Sois bon pour une fois. Merci. Ouais. Ça changera. Bon, allez, vas-y, il y a une personne. Et en anglais, en anglais, in English. Your dedicace. Non, big up, ça va plus vite. Ambre. Ah, putain, waouh. Putain, tu t'améliores en anglais, hein. T'as remarqué? Ah, bah, franchement, il y a de la belle amélioration. Je suis fier de toi, Hugo. C'est bien, merci. Bravo. Non, vraiment bravo, bravo. Bon, on va s'écouter Asie avec Born Again, c'est ce que ça veut dire? Oui, oui. Ça veut dire quoi, Born Again? Bon, Born, ça veut dire quoi, B-O-R-N? Je suis vraiment très mieux. Bah oui, ça je confirme. Ah, oui, hein. Oui. Putain. Born, naissance, naître, né, again. Ah, c'est pas une borne kilométrique? Non. Et again, ça veut dire quoi, again? Répéter, non? Ouais, c'est encore, encore. Encore, oui. Donc, born again. Oh, qu'il est mauvais. T'es très mauvais quand même, hein. Ah, oui. Oh là là, bon Hugo, va au cours d'anglais, hein. C'est ce que je compte faire. Bah parfait, allez, à la semaine prochaine, Hugo. semaine prochaine. Salut. Oh là là là là là. Allez, bougez pas, c'est Fun Radio, c'est Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 2h. C'était le son d'Asie. Avec Born Again sur Fun Radio. Bienvenue si vous arrivez là. C'est un message de Jimmy qui dit: putain, je viens de juste de me rendre compte que votre émission est commencée depuis presque 2h. Bah bravo! Et tu viens d'arriver. Hop, voilà, je cherchais le son. Effectivement, tu l'as eu, Jimmy, hein, c'est tout ce que tu mérites. Ça passe à une vitesse de fou quand on se tape des barres. Il y a Nicolas qui dit: ah non, d'accord, ok, je crois qu'il venait d'arriver. Autant pour moi, j'avais pas eu tout le message. Désolé, Jimmy, je reprends la claque et je la mets sur la gueule de Toff. Voilà. J'avais mérité. Totalement. Nicolas qui dit: vous êtes trop des malades, je vous kiffe. Big up à Nicolas Dam, et bah c'est fait. Il y a Marco qui dit: change rien, Hugo, t'es au top. Victoria qui dit: je veux le sextoy, Mickaël. Ah bah oui, mais il faut être numéro 1 au top tweetos. D'ailleurs, on va faire un petit point sur le top tweetos maintenant. Tiens, si on devait arrêter le top tweetos là, maintenant, tout de suite, que se passerait-il? Quel serait le numéro 1? Quels seraient les numéros 5? Numéro 5, justement, on y va, c'est parti. Quel est le numéro 5? Alors, le numéro 5, ce serait Benoît. Benoît, le Benoît. Numéro 4. Benoît Bebe. Benoît Bebe, le numéro 4. Le numéro 4, ce serait Vincent Grégoire. Très bien, le numéro 3. DJ Roms. Le numéro 2. En direct de votre caravane. Voilà. Fred S. Et le numéro 1. Let's Be Freaks. Ah, Let's Be Freaks qui est de retour. Très bien. Oui, bon, ouais, alors attention. Bon, Let's Be Freaks, on a déjà gagné 2. Donc, hein, si jamais t'es numéro 1, on mettra au deuxième, en tout cas au premier qui n'aura pas encore gagné, évidemment. Voilà. Donc, hashtag Mickaël, vous mettez un maximum de messages, tout simplement. Vous réagissez à l'émission. Et puis, même si vous ne parlez pas forcément de l'émission, mais entre potes, vous mettez le hashtag Mickaël. Ça fera monter votre score. Donc, hashtag Mickaël sur le Twitter. N'hésitez pas. Il y a DJ Comac qui dit aussi faites-nous le fameux oh, qu'il est con. Oh, qu'il est con. Et demande à ce fils de pute de Toff de nous faire de bons appels. Je suis avec plaisir. Tu vas demander comme ça avec plaisir. Bon, ben on va prendre Marianne pour la masturbation. Marianne, on va faire un petit appel. Ça fait une heure qu'on en a pas fait. Là, on est un peu à la traîne. des petits appels, puisque je rappelle donc que nous appelons eh bien des gens au hasard grâce au numéro de téléphone que vous nous envoyez tous les soirs avec le mail de Toff, toph@funradio.fr. Donc des appels pour préciser aux gens que comme l'info que j'ai trouvé dans le journal justement ce midi à l'aéroport en revenant de Montpellier, eh bien il est bon de se masturber le plus souvent possible, surtout pour vous les filles, puisque c'est ça prévient du cancer, qu'est-ce qu'il y avait encore comme truc positif, ça enlève le diabète, ouais, le diabète également, donc voilà, très bien quoi. Et après on découvre son corps et paraît-il, on joue paraît-il mieux. Bon, donc du coup on va faire un petit appel, je te reprends juste après. Marianne, tu restes avec nous, hein, comme ça on est tranquille, ne bouge surtout pas, et on fait l'appel maintenant grâce au numéro que vous nous avez envoyé. Allez, minuit 50, ça dort pas là quand même. Allô ? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous vous étiez déjà caressé. À te faire revoir, espèce de con. Oui, mais ça répond pas à ma question, madame. Ah, oui, mais apparemment, elle va pas répondre. Hein. Bon, on va la rappeler quand même. Hein. Hop, on rappelle. Ça, c'était un petit... C'était un va te faire revoir, espèce de con, mais... Léger. Léger, ouais. C'était un light. Allô. Oui, oula. Bonsoir monsieur. Attends, au revoir, pas le papou, non. Excusez-moi monsieur, mais... Hey, oui. C'est pas un peu con derrière les oreilles, non. Mais attendez, je vous ai pas encore dit... Ouais, mais ouais, je te réponds de suite. Hein. Alors, arrête d'arrêter maintenant, hein. Mais oui, d'accord. Allez, ciao, bonne nuit. Mais attendez, je vous ai pas encore dit pourquoi j'appelais. Allô. Arrête d'arrêter. T'es pas bon. Un peu con derrière tes oreilles. Donc, continuons. Parce oui. Qu'il faut arrêter d'arrêter, donc c'est reparti. Oula. Je vous écoute, bande d'emmerdeur. Mais monsieur, faut pas le prendre comme ça. Non, espèce de con, hein. Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? Je dis ça parce que vous m'emmerdez tous les jours. Bah non, monsieur, c'est pas vrai. C'est la première fois que je vous appelle. Eh ben oui, non, appelle masqué, j'en ai marre, hein. Bah oui, mais c'est parce que je peux pas mettre le numéro, mais si vous voulez, je vous le donne. Merde. D'accord. Les gens sont cool le soir, hein. Je crois qu'il avait un peu bu, non? Je pense qu'il était effectivement pas totalement frais. Qu'est-ce que t'en penses, dis-moi, Marianne? Pardon ? Je pense qu'il n'était pas frais, le mec qu'on vient d'appeler, là. Ah, peut-être qu'il était en train de dormir, que vous l'avez réveillé, hein. Bah, minuit 50. Est-ce que tu dors, toi, Marianne ? Non, hein. Ah bah non, même si je taffe demain, moi, je passe du temps avec vous. Ah bah voilà, Marianne, tu fais quoi dans la vie, dis-moi, en fait ? Je travaille à Carrefour. Ah, très bien, parfait, Marianne. Bon, bah écoute, impeccable. On passera. Ouais. T'as des prix, Apollo, qui demande si vous voulez savoir. T'as des prix, sur les produits. Il y a pas moyen. En ce moment, il y a des réductions sur le champagne. Parce que Toff, il veut bien prendre éventuellement tout ce qui est périmé, hein, si périmé de la journée ou d'un ou deux jours. Oh, il prend. Moi, ça me dérange pas. Non, on n'a pas le droit. Ouais, oui, mais bon. Ça... Mais justement, comme ça, tu me les fais gratuit. Bah voilà, c'est ça, c'est offert comme ça, tiens. Bon, Marianne, toi, tu voulais parler de la masturbation avant qu'on appelle d'autres personnes tout à l'heure. Explique-nous tout, Marianne. Nous sommes toutes oui, comme d'habitude, évidemment. Bah en fait, c'est exactement ça quand vous dites comme quoi c'est important. Bah je trouve que vous avez raison dans le sens où. Mais bien sûr qu'on a raison. Ouais, moi, ça me revitalise, ça me donne. Mais combien de fois par jour, dis-moi, Marianne? Ça dépend. Minimum au moins une fois par jour, ça c'est clair. Bah ouais, c'est le minimum. Ah bah oui, grand minimum. Mais ça varie suivant mes horaires, si je suis pas trop crevée quand je rentre chez moi, si j'ai un peu de temps. Tu utilises des ustensiles? Non, j'en ai pas. Faudrait que je m'en envoie un. Oh là, comment elle demande la Marielle, comment elle le place? Marianne, combien mesures-tu? Attends, j'ai pas mis la musique, attends une seconde. Voilà, Marianne, voilà. Combien mesures-tu? Ah, je mesure 1m56, je suis vraiment très petite. Hein. Bon, d'accord. Ça va, 1m56, c'est pas très grand, mais c'est pas non plus, t'es pas naine. Hein. Ah non, quand même. Tu n'es pas une personne de petite taille. Combien non. pèses-tu, Marianne? 60. Quel est ton tour de poitrine? 90D. D comme Denise? Oui. Ah oui, c'est énorme. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 38. Ah. Bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Voilà. Je peux venir déposer le sextoy dès ce soir. Et bien entendu. Je peux venir déposer le sextoy dès ce soir. En plus, t'es à Paris aussi. Mais oui, c'est pour ça. Et en plus, t'aimes bien les voitures. Pas vraiment Paris, non. T'es où? Je suis à Chartres. Ah oui, ça n'a rien t'es à pas voir. Vrai. Ouais, parce que, tu sais, moi, par exemple, si tu veux, j'habite à New York. Alors, c'est évidemment, pareil. Par rapport à Sydney, bah, Paris-New York, c'est à côté. Hein, par rapport à l'Australie. C'est à une station de métro. Mais oui, mais pourquoi tu dis Paris alors que t'es à Chartres? Mais non, mais c'est pas moi qui dis Paris, c'est quand j'ai dit que j'habitais pas loin de Paris, enfin à 1h30 de Paris, la nana que j'ai eu au standard m'a dit bon bah on va mettre Paris. Voilà, dorénavant je serai Montpellierin puisque je n'habite qu'à 1 heure d'avion de Montpellier. la nana, qu'est-ce que t'en penses? Non, elle m'a dit j'habite pas loin de Paris. Tu m'as dit au téléphone j'habite pas loin de Paris, donc je t'ai coupé, je t'ai dit ok je mets Paris, tu m'as dit oui. Non, à 1h30 en voiture, à 1h en train. Pas loin de Paris, à 1h30, c'est pareil. C'est ça, parce que moi je suis pas très loin de la Lune non plus en fusée. Ouais, c'est donc t'es lunaire. Bon bah du coup ouais, donc alors parce que le problème c'est que Toff il a l'autolib, alors forcément ça a une durée de vie limitée. Hein, ouais c'est ça, c'est-à-dire que ça il n'arrivera pas jusqu'à Chartres hein, donc Ouais puis même c'est pas la ville où enfin franchement c'est pété là-bas franchement. Bon enfin de toute façon il comptait pas, il ne peut pas venir, hein, non, c'est trop ouais. Mon autolib n'ira pas jusque là. C'est pas qu'il ne veuille pas. Voilà, c'est pas qu'il ne veuille pas, c'est n'est pas possible. Bon et donc du coup bah on va te filer un sextoy, alors tu veux lequel? Un gros, un petit, un design, un le grand Marcel, le grand Gilbert, le magnifique ou tu veux Joe l'intrépide? Ouais. Ouais, l'intrépide, c'est pas mal. L'intrépide, hein. Joe l'intrépide. Mais oui, eh bien, on va t'envoyer Joe l'intrépide. Toi, va s'en occuper, va t'envoyer ça rapidement. Ah, oui. Oh, nickel, c'est cool, merci. Bah voilà, y a pas de problème. Comme ça, tu pourras te faire plaisir toute seule. Mais ouais. Bon. Mais ce sera encore mieux avec quelqu'un. Écoute, Chartres, c'est dommage, c'est un peu loin, mon autolib ne va pas jusque-là. Ouais. Je serais venu avec plaisir. J'imagine. Bon, il y a Virginie qui dit le arrête de arrêter, il est trop excellent. Ah oui, ça c'est sûr, effectivement. Et attends, c'est quoi? C'est ma vie, je crois, qui est Del Cali, ou un truc comme ça, qui dit moi aussi, j'ai déjà rêvé que je tournais dans un film de boule, mais avec toutes mes ex. Ah oh, ben c'est sympa ça, surtout si des ex sont plutôt pas mal. Il y a DJ Coma qui dit malgré la concurrence, tu gères trop. Il y a de la concurrence, je ne sais pas. Mais celle aussi qui dit Grégory, c'est Grégory qui dit il est complètement bourré le mec que vous venez d'appeler. Bah oui, je te confirme mais aussi, il est l'air tout frais. Hein. Vous n'avez pas relevé, mais il m'a quand même dit d'aller me faire voir chez les papous. Hein. Oui, chez les papous, en effet, ouais. Bon, et donc Marianne, toi tu nous disais que tu te masturbais souvent, alors. Oui. Et en fonction de si t'es en pleine forme ou si t'es fatigué, quoi. Exactement. D'accord. Mais ça aide, la masturbation, ça aide à dormir aussi, hein, c'est pas mal. Hein. Ah ouais, oui, ça. Comme un bébé après. Bah tu m'étonnes, ça. Hop, les endorphines peuvent y aller tranquillement, pépère, ouais. Et c'est la fête. C'est la fête à l'endorphine. Ouais, et puis après je fais des beaux rêves. Mais alors on a dit aussi que ça casse, ça enlevait le mal de tête. Mais le problème c'est quand tu te branles et que t'as mal de tête, ça fait encore pire, ça fait encore plus mal de tête. C'est au moment où t'as joui que ça calme, parce que t'as les endorphines et tout le bordel qui fait que qui font justement que t'as plus mal. Mais sur le moment même, ça fait mal au crâne. Ah je sais pas. En fait, j'ai jamais testé. Ah bah il faut essayer. Ce qui compte c'est de s'y mettre. Hein, une fois que tu t'y es mis. Ouais après il faut essayer ouais. Donc Donc les filles, encore une fois, l'excuse du j'ai mal au crâne ne tient pas, puisque normalement, si vous faites l'amour alors que vous avez mal au crâne, c'est là que ça passe. C'est vrai. J'ai jamais mal au crâne pour faire l'amour. Et sans produits chimiques. Bah voilà, c'est le principal, tant mieux, tiens. Bon, bah écoute, merci Marianne d'être passée. Oui, merci à vous de m'avoir appelé. Avec plaisir. T'écoutes l'émission depuis longtemps ou pas? Ouais, enfin j'avais lâché pendant un temps et puis je sais pas, j'avais envie de réécouter. Je me suis dit, oh, ils sont trop cool, c'est bon, faut que je réécoute. Ah bah tu nous avais laissé tomber comme des merdes, comme ça, comme une vieille chanson. Oui, mais parce que je sais pas, c'était pas de la musique que j'aimais qui passait. On s'en fout, on est pas là pour la musique, Marianne. Il y a des gens qui nous ont dit, pourtant c'est ce que les gens aiment. Mais oui. Mais attends, mais tu nous as lâché quoi? T'as lâché Fun ou t'as lâché l'émission? Ah, j'ai lâché Fun. Ah bravo. Ah bah très bien. Bah bravo Marianne. Ah, mais je suis revenue. Hein, bon bah c'est le principal. Bon après c'est pas grave, hein, si vous avez pas la musique, nous le soir c'est parce que c'est pas le principal de l'émission, c'est ça que je veux dire. Oui. Ah c'est bon. Vrai. Donc moralité Marianne, tu vas rester avec nous maintenant. Hein. Ah oui, et pour toujours. Promis. Oh, hein. Oh, c'est mignon. Mais ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir, Marianne. Ah, mais je tiens toujours mes promesses. On t'appellera régulièrement pour voir si t'écoutes toujours. Très bien, Marianne. C'est gentil. Ah, bah attends, j'ai une surprise pour toi. Il y a Thomas qui est là, qui voulait te parler. Salut Thomas. Bon, salut les gars. Comment ça va? Bah écoutez, ça va et vous? Thomas, c'est un peu comme un charognard. Tu vois, c'est-à-dire qu'il a vu une carcasse. Il a vu une carcasse dans le désert. Il a tourné autour. Il a tourné autour et là, il pique dessus là. Ça va Thomas? Ça va, tranquille. Bon, tranquille, ouais. Tu voulais parler à Marianne, toi? Ouais, pourquoi faire? Moi je sais pas, une petite drague. Ah, une petite drague, d'accord, ok. Oh là, il va à la radio, c'est génial. Ah ouais, c'est classe, t'as vu. On fait des choses bien. Juste Thomas, t'es où? T'es d'où? Je suis du 77. Ah oui, ça va, t'es plus près. Bon, ça rapproche déjà un petit peu, effectivement, puisqu'elle est de Chartres, hein, donc elle est pas de Paris comme elle avait dit à Sandro. Mais je suis pas loin de Paris, je suis une heure et demie de route. Bah, ouais, oui. Mais tu en parles plus, Sandro, Chartres et le 77, c'est Paris. C'est Paris, oui, mais c'est ça. Mais c'est eux qui me disent Paris. D'ailleurs, Thomas, vont... tu m'as dit quoi? D'ailleurs, il y en a un qui va appeler de. J'ai dit Paris, ouais, Paris. Ah. On est d'accord. Ouais, mais voilà, parce que c'est à côté. Moi, je suis à une heure de Paris en voiture. Mais évidemment. Mais tu sais que dans l'absolu, même Bordeaux, hein, encore une fois, par rapport à New York, c'est à côté. Autant mettre Paris. Oui. Mais non, mais on va pas se faire chier. Melun. En plus, ils ont les vacances au même moment. Donc, on écoutait Polo, il y a Paris et le reste du monde. Bah, il y a Paris et puis le reste, c'est la campagne. Hein. Ouais. Voilà, la terre entière d'ailleurs est de la campagne. C'est ça, exactement. Donc au final, Polo, tout est à côté de Paris. Capitale du monde. Au fait, Thomas, t'es arrivé tel un charognard sur Marianne, mais est-ce que Marianne est célibataire? Oui. Ah bon, bah alors t'as toutes tes chances. Hein. Et Marianne est bonne. Mais oui, en plus, oui. Bon, Thomas. Apparemment. Ouais. Bon. Allô. Oui, bon, on t'écoute. Hein. C'est surtout Marianne qui t'écoute. Hein. J'ai un problème de réseau, je crois. Attendez, je bouge un peu. C'est dommage. Tu passes ta chance, Thomas. Tu passes ta chance. Allô. Ah, tu as passé ta chance. On va te récupérer après, peut-être. Il y a Jonathan aussi qui est avec nous là. Jonathan, salut, ça va? Ouais, salut, ça va. Bon, t'as 27 ans, toi t'appelles de Nancy, la région parisienne donc. Donc si. C'est pas vraiment Paris, non? Bah si, c'est pas loin, c'est quoi. C'est loin. C'est à côté de Paris, quoi. Ouais, c'est pas loin, quoi. Hein, c'est pas loin. Bon, ouais, Jonathan, ouais, tu voulais parler à Marianne aussi, toi? T'as un autre charognard? Oui, parce qu'elle avait l'air d'être un peu coquine. Bon. Tout ça parce qu'elle se masturbe souvent? Non. Non. Oh non. Ah d'accord, parce que pourtant elle se masturbe souvent, hein. Elle l'a dit. Hein. Ah bah elle l'avoue, c'est pas moi qui l'ai inventé. Elle a plus ou moins demandé qu'elle préférait être quelqu'un alors. Ah bah oui, c'est toujours mieux. Ah bah du coup forcément là les charognards ils sont arrivés là, hein, c'est parti hein. J'aurais peut-être dû fermer ma gueule en fait. Bah non, ça se trouve tu vas rencontrer l'homme de ta vie, qu'elle va savoir. Oh l'homme de ma vie, comme si j'étais sentimentale. Bah tu sais pas, ça se trouve. Si c'est juste l'homme de ta nuit, je suis là hein. Bah oui, non mais t'arrives pas jusque chez elle, toi, arrête un peu là. Ouais, je peux prendre le train, il y a bien un train qui arrive à Chartres. Bah oui évidemment, oui, mais. Je veux bien prendre le train aussi pour y aller. Hein. Bah j'imagine. Bon alors qu'est-ce que tu veux lui dire pour lui donner envie, dis-moi Jonathan. Ce que je pourrais lui dire, voilà, bonne question. Ah bah très bien. Tu ressembles à Michael? Non, pas du tout. Ah bah mince, dommage pour toi. Ah oui, malheureusement, mais ça, ça, tu sais, Marianne, tout le monde ne peut pas me ressembler. Hein. Je suis tellement beau, grand, fort, intelligent, footballeur maintenant également. Ouais. Buteur, entraîneur, le ballon d'or pour moi bientôt. Tout pour toi. Oui, je viens de virer Ribéry. Hein. Non mais si, de toute façon il sert plus à rien pour l'instant là. Hop là, j'ai pris sa place au milieu. Je serai peut-être élu Ballon d'Or. Donc j'attends vos votes bien sûr, hein. N'hésitez pas à aller voter hein. Ballon d'Or 2013. Attends, avec les 3 buts que j'ai mis ce week-end là, bah c'est un minimum. Attends, c'est minimum, il faut qu'on ait cette reconnaissance. Bon, Jonathan, tu ressembles à quoi? Je suis 1m80. Ah bah c'est mort. Hein. 1m80 et j'ai les cheveux, châtains, les yeux bleus verts. D'accord. Oh, comme moi, pareil. Bah ouais, c'est ça. Hein, Marianne, ça t'intéresse ou pas? Oui. Ah tiens, et pourtant ça me ressemble pas. Hein. Ah ouais, mais quand même, un brun aux yeux bleus verts assez alors, grand. Alors attention, c'est... au soleil, j'ai les reflets verts grâce à ma mère. Non, c'est vrai, quand le soleil tape sur l'œil, j'ai quelques reflets verts. C'est vrai, c'est vrai. Bon, en speed, mais ils sont là. Pas le truc le plus voyant. Ça dépend du temps, moi, en fait. Ah, ça dépend du temps. Tu vois, lui aussi, c'est un escroc. Hein. Donc, moi aussi, à ce moment-là, je peux dire que je suis grand aux yeux verts. Ça change de couleur quand, par rapport au temps. Moi. Ah oui, il est caméléon, lui. Un petit peu, on va dire. Mmh. Non, non, mais pourquoi pas. Hein. Bon, Jonathan, attends, il y a Thomas aussi qui a peut-être récupéré du réseau. Là, Thomas, t'es là? Ouais, c'est moi, je suis là. Bon, allez, réfléchissez à un plan drague là pour Marianne. Là, on va se mettre le son de Redfoo. Et puis juste après, vous y allez pour essayer, hein, d'accord? Parce que vous m'avez pas l'air très très bon, donc je vous laisse vous préparer un petit peu, ok? Ok, y'a pas de souci. Bon, allez, Thomas et Jonathan, restez là. Marianne, juste en deux mots, comment t'aimes qu'un mec vienne te parler? J'aime bien quand c'est subtil, quand c'est pas de la drague pure et dure en mode vas-y, je veux juste te draguer pour Ken, quoi. D'accord. Bah voilà, j'espère que Thomas et Jonathan, vous avez bien noté le concept. On va revenir avec Aurélien également pour parler de la masturbation. On fera d'autres appels avec Toff. Et puis on va se mettre aussi le chéri, je peux te faire cocu là, hein, du coup. Hein, celui qu'on avait fait au mois de juillet, puisqu'on a foiré avec Soumaya il y a quelques minutes. Et je voulais vous demander aussi si vous aviez le choix, où est-ce que vous auriez envie de vivre? Parce que je suis tombé sur un sondage qui donne les endroits les plus intéressants pour la Belgique, par exemple. Il y a les Belges qui ont envie d'aller vivre. Le numéro 1, c'est où? En France. Le deuxième, c'est les États-Unis. Le deuxième, les États-Unis, et le troisième, le Canada. Ensuite, il y a l'Australie, la Chine et les Émirats arabes. Donc, venez nous dire où est-ce que vous auriez envie de partir, travailler ou vivre, hein, tout simplement. T'irais où, toi, si tu pouvais choisir, Marianne, là, comme ça, un pays où t'as envie de, voilà, tu plaques tout, tu changes de pays, tu vas où? Très bonne question. Je pense que j'irai en Grèce. En Grèce? Oui. Ouais, malheureusement, mais j'aime bien la Grèce. Ah non, mais pas malheureusement, ça, j'ai jamais été, mais bon, au niveau oseille, c'est pas la fête, quoi. Ouais. D'accord. Bon, bah, pourquoi pas. Et toi, t'irais où, Thomas? Avec un mec, parfait. Et toi, t'irais où, Jonathan? Bah, je préférerais aller avec elle, mais... c'est non, subtil. Mais, en imaginant que Marianne ne soit pas là, t'irais où? J'irai au Canada. Au Canada, bah, très bien, ça fera plaisir à tous les Canadiens qui écoutent ce soir. Hein. Y a pas de problème. Bon, bah, Jonathan, reste avec nous. Marianne, reste avec nous également. Je vous l'avais promis, le son maintenant de Redfoo, Let's Get Ridiculous sur Fun Radio. Il est 1h05, c'est la nuit sans pub, on est là jusqu'à 2h. Yeah! Le son de Redfoo, Let's Get Ridiculous sur Fun Radio, il est 1h08 là, bienvenue hein, si vous voulez débarquer, il y a un message qui dit c'est mon anniversaire, souhaitez-le moi s'il vous plaît l'équipe, je m'appelle Juan Cam, ce serait un super cadeau de votre part. Bah écoute, avec plaisir. Voilà. Et bon anniversaire. Et dans l'absolu, bon anniversaire à ceux qui sont nés aujourd'hui, hein, c'est le 10 décembre, voilà. Voilà, bon anniversaire. Et il y a Jimmy aussi qui dit sur une île au large de toute civilisation, genre en mode solo et survie, j'adore ça, me débrouiller par moi-même pour l'eau, la bouffe et tout le reste. Mm-hmm. T'aurais dû faire Koh Lanta toi. Gwenaël aussi qui dit moi j'irai habiter aux Caraïbes étant donné que je suis latino, le climat me correspond donc très bien. Ah ouais, je confirme, l'avantage entre toute l'année il fait entre 27 et 32, c'est plutôt cool. Ouais, c'est pas mal. Sauf les ouragans qui font un peu chier pendant l'été, mais après pour le reste c'est plutôt sympa. Guillermo qui dit ma meilleure amie se masturbait quand on dormait ensemble. Ah sympa. Ah c'est cool ça. Guillermo aussi. T'as rien compris, mec. C'est-à-dire que si elle te masturbe pendant qu'elle dort avec toi, c'est qu'à un moment, elle attend. Enfin. Elle attend que tu couches avec elle. Bah, ça paraît logique. Enfin, je pense en tout cas. Moi, si je pouvais, j'irais en Italie. C'est Giovanni qui avait envoyé le message. Et Delphine qui dit moi, j'ai déjà rêvé qu'il y avait des monstres qui sortaient des toilettes. Je l'enfermais, ils cassaient tout et me mangeaient. Hein, sympa ça aussi. Oh. Et Megumi, le pire, c'est si tu rêves que tu couches avec Mickaël et que tu fermes les yeux et quand tu ouvres cette offre. Et alors la perte des temps signifie en général un stress, une inquiétude plus ou moins forte. Ah bah par rapport à Toff, c'est lui qui disait ça au début d'émission. Et encore Giovanni qui dit moi j'ai fait un rêve où je me faisais enterrer vivant par une pelleteuse, un rêve de ouf. Mais c'est ce qu'on appelle un cauchemar plutôt a priori. Hein. Mmh. Bon, avant de récupérer les dragueurs en herbe là, qui voulaient draguer Marianne, on va se faire encore un appel pour prévenir les gens justement que la masturbation est bonne pour la santé. Mais oui. Exactement, on le fait depuis tout à l'heure et on va continuer maintenant. C'est parti, merci à tous ceux qui nous ont envoyé des numéros sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Continuez, on est là jusqu'à 2h. Et puis ce qu'on a en trop, rassurez-vous, on les garde pour le lendemain. Vous inquiétez pas, toph@funradio.fr. Allez, c'est parti. On joue un peu le rôle de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous vous caressiez de temps en temps. Non, mais vous avez... c'est quoi votre délire là? Ben en fait non, c'est parce que il paraît que les femmes qui se touchent ont beaucoup moins de risques d'attraper le diabète par exemple. Pauvre con. Mais non madame, c'est sérieux. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, j'étais en communication avec votre femme et je lui demandais si elle se caressait de temps en temps. Vous avez vu ou quoi? Ça va, vous allez bien dans votre tête ou quoi? Mais oui, très bien. Allez vous faire foutre. Mais pas du tout monsieur, c'est pour son bien. Allô? Oh là là, il faut toujours qu'il réponde hein. Là. Merde. Il faut toujours qu'il raccroche, c'est quand même un truc de fou ça. Oui. C'est dingue. Bon, on rappelle du coup là? Bah, évidemment. Allez, c'est parti. Hop, on y retourne de nouveau. 1h11. Continuez, je porte plainte. Bah, oui, mais pourquoi vous voulez porter plainte, madame? Allô? Oh, bah ça faisait longtemps, tiens. Bon, on a déjà une plainte, on va peut-être pas en prendre deux. Hein. Enfin, on va un petit peu attendre, quoi. Bah oui, oui. Bon, oui. On va d'abord pas tout le même jour, pas tout ouais, le même jour. On va d'abord laisser pisser celle-là, ce sera mieux, tiens. Déborah qui dit, moi, je partirai au Japon si je pouvais me barrer. DJ comme Maki qui dit, le pire cauchemar de ma vie, c'est tough. Dragost Defender qui dit, moi, si je pouvais partir, je partirais au Japon. Et Elliot qui dit, attaché sur une croix dans une cave, t'es pas tranquille, tough. Oui, il a dit tout à l'heure que c'était son kiff, hein, et qu'il l'a déjà fait, en plus. Ouais, ça, le plus, moi, j'ai adoré. Hein, le plus surréaliste. C'était une super bonne expérience. Ouais. Et Stéphanie qui dit, tough sur une croix dans une cave, ça y est, je suis tout excité. Oh. Oh. Alors, avec plaisir Stéphanie. Marianne, t'as compris ce qu'il fallait faire hein. Si jamais tu veux te taper tof, ce sera dans une croix dans une cave. Y'a pas de soucis, faudrait que juste que je trouve la cave. Oh, mais ça, si c'est juste ça le problème, il peut se démerder. Hein. Ce qui veut dire qu'elle a la croix, hein. Moi je dis ça, je dis rien. T'as une croix déjà? Ah non, j'en ai pas, mais je peux en faire une, c'est pratique. Ah, bah oui, bien sûr. Bah, justement, oui, encore pas plus tard que tout à l'heure, je me suis dit, putain, il me faudrait une croix. Mais ouais, pourquoi pas. Mais c'est pratique, c'est de quoi ça sert toujours d'avoir ça sur soi. Mais oui, c'est ça, c'est jamais, ça peut toujours servir. Tu l'as comme ça, tu dis, ah bah si, bah voilà. En plus ça doit être un truc de 2 mètres, c'est ça Tof? Ouais ouais, enfin c'est une croix, enfin moi elle me va nickel quoi, c'est-à-dire que j'ai le bras un peu plié. Tu l'as essayé? Il y a des magasins de croix, mais bien c'est sûr. Ça mais oui, je voudrais un 34. Il va chez un marchand de croix. Tu serais bien étonné. Voilà. Tu serais bien étonné du business de ces trucs-là. N'importe quoi, mais je suis. Tu peux m'expliquer tu vis où en fait? Parce que là ça, tu me choques. Quoi? Mais non, mais moi je te dis ce qu'elle m'a raconté. C'est dingue, voilà. C'est dingue. Mais voilà, et puis après, si tu savais les gens qui vont la voir. Non, mais l'autre il aime bien se faire attacher sur une croix. Comme un chien. Mais c'était marrant, enfin voilà, c'est une expérience. Et est-ce qu'elle te met des coups de talons dans les couilles? Mais non, c'est un truc de ouf. Mais enfin, c'est après. Est-ce que tu te fais mordiller les tétons? Non plus, je suis pas un SM. Est-ce qu'elle te met du sel dans petit le cul? Petit enculé. Non plus. C'était juste le kiff d'être attaché et te faire sucer comme tu te fais attacher à un lit. C'est pareil. Je me suis jamais fait attacher à un lit, moi. Retrouvez prochainement Tof dans la Ficinière 2. Dans Sodomaso. Parce que ça, par contre, me faire mettre un point dans le cul, je suis pas prêt encore. Ah, quelle horreur. Il n'est pas prêt, mais il l'a pas dit non. Bon. Avant de continuer sur la drague, je vous avais promis le chéri, je peux te faire cocu. Est-ce que vous vous souvenez du chéri, je peux te faire cocu du mois de juillet? Alors, qui nous écoutait au mois de juillet? Marianne? Je crois pas, non. Bon, Thomas, tu nous écoutais au mois de juillet ou pas, toi? Thomas? Non, même pas. Bon, Jonathan? Non, moi, je vais commencer au mois de janvier. Moi. Ah, au mois... Ah oui, donc ouais. Tu vas commencer dans 15 jours. Non, mais c'est bien parce que c'est on voit dans le futur comme ça avec Jonathan, c'est cool. T'écoutes depuis quand, Jonathan, l'émission? Après août. Après août, donc t'as pas dû entendre, évidemment, c'est dommage. Aurélien, t'écoutes depuis combien de temps, toi? Aurélien est mort. Bon, on va le reprendre après, c'est pas Aurélien grave. Nous a quitté. Bon, du coup, on a fait effectivement, chéri, je peux te faire coquer avec Soumaya tout à l'heure, ça n'a pas fonctionné, malheureusement, ça change. Ouais, qui est bien dommage, d'ailleurs. Bah, ce sont des choses qui arrivent, alors qu'il était chaud bouillant, son mec, quand même, c'est dommage, Adil. Du coup, bah, il y en a plein qui disent, ouais, mais putain, nous, on veut notre dose de chéri, je peux te faire coquer. Je me suis dit, eh ben, du coup, comme il y a plein d'auditeurs qui sont arrivés, parce qu'on est là depuis, ça va faire 5 mois, là, dans 15 jours, donc, du coup, il y en a plein qui sont arrivés en cours de route, qui n'écoutent pas forcément depuis le premier jour, c'est-à-dire le 22 juillet, quand on a commencé, et, bah, ils ont raté ce magnifique chéri, je peux te faire cocu qu'on avait eu l'occasion de faire. Alors très très lourd. Non, il était pas lourd, il était extraordinaire. Alors écoutez ça, c'était au mois de juillet, le chéri, je peux te faire cocu. On revient juste après avec notre ami Thomas, Jonathan qui voulait draguer Marianne. On fait ça dans quelques minutes. Vous ne bougez pas de là, c'est parti. Ça va très bien, merci. Et vous? Bon, oui, ça va bien. Ouais, ça. Ce petit accent vient-il de Liège? Oui, de Liège. Ouf, tu... de Liège même ou de Liège, enfin à côté?

Ouais, c'est ça, grossier de quoi, attends, rigole, là, oh. Excuse-toi d'avoir été aussi grossier, fais-moi confiance. Fais-moi confiance, je vais te dire un truc après ou tu vas devoir t'excuser quand même, donc autant le faire maintenant. Ouais, c'est ça. Allez, excuse-toi. Dis je demande pardon. Demande pardon à personne, moi. Dis je demande pardon. Demande pardon à personne. Demande pardon. Non, je m'en pardon. Demande-lui pardon. Pardon. Y'a pas de pardon, ça va? Gaëtan, il est basé, quand même, hein. Allez, va jouer, c'est ça, va jouer. Bon, Gaëtan, t'es en direct sur Fun Radio, reste calme, oh là là. C'était le chéri, je peux te faire cocu, Gaëtan. Oh là là, t'inquiète pas. Et ça t'a pas eu donné. Gaëtan, ça t'a pas étonné qu'ils sont en train de jouer au ping-pong là en fait. Ouais, c'est ça. Ils ont arrêté sur le bord de la route, mais n'ont jamais essayé quoi, tellement que je trempais quoi. Mon pauvre. Bon, au filet l'appareil photo numérique, Gaëtan et Christelle, comme promis là. Merci en tout cas d'avoir, d'avoir participé. Eh ben ça va Gaëtan, ça redescend là un peu la température? Ouais, je dis ça, je vais rentrer à la maison, je vais mettre une tarte à ma femme. Voilà, c'était le chéri, je peux te faire cocu, ça date du mois de juillet pour ceux qui n'étaient pas là. Putain, j'ai l'impression d'avoir pris 15 ans au niveau de la voix. C'est bizarre, hein. C'est un truc de fou, là. Oh là là, dis donc. Il y en a un qui disait aussi, c'est une autrice qui disait « Oh mais t'étais hésitant à l'époque, c'est mignon !» Bah, c'était un des premiers chéri, je peux te faire cocu, hein. C'était le quatrième pour être précis. Mmh. Voilà, depuis on a, bah, depuis on est des routiers du chéri, je peux te faire cocu maintenant. Bah oui, voilà, c'est ça. Il y a Lyon qui dit mort de rire le ping-pong. Il y a le Bœuf Ferré qui dit moi j'adore Toff. En fait, quand je pense à tout ce qu'il prend dans la tête, je l'admire car il prend toujours les choses avec calme et avec du cœur. Tout ça pour vous dire qu'il faut vraiment être un gros con. Quel connard. Et Nicolas qui dit Toff, t'es trop con. Axel qui dit mettez un va te faire enculer, gros bâtard. Ah bah je l'ai, attends celui-là, hop là. Le gros connard va te faire enculer. Ah c'est pas celui-là, mais bon, il vaut bien. Et Mystique qui dit mon rêve, partir au Portugal. Bijinhoosh, Michael. Merci Mystique. Et Tilde qui dit aussi moi quand je fais un rêve et que je me réveille alors que je rêve que mon rêve était cool, et ben pas fini, j'essaye de me rendormir en y repensant à fond, en imaginant la suite et j'arrive à reprendre la suite de mon rêve. Ah bah t'as bien de la chance toi, tiens. Et Giovanni également qui dit mort de rire Mickaël, et tu es trop un ouf comme d'habitude, on se tape des grandes barres de rire, merci Fun et à toute équipe. Ben merci à vous surtout d'écouter tous les soirs, ouais. Là, vous êtes de plus en plus nombreux et ça se ressent, et surtout merci. Bon, retour avec Thomas, Jonathan, Manuel qui voulait draguer Marianne, on aura Aurélien pour parler de la masturbation, on fera encore des appels avec Toff, et je vous l'avais promis, le son maintenant de New World Sound, la chanson de The Flute. C'est le morceau qui a été volé à Apollo. Hein, c'est honteux, scandale. C'est une honte. 1h28, c'est la nuit sans pub. Si vous venez de débarquer sur Fun Radio par hasard, sachez que vous y resterez probablement, puisqu'il se passe enfin quelque chose à la radio le soir et la nuit en particulier. 23h, 2h, c'est Mickaël No Limit sur Fun. The New World Sound à l'instant sur Fun Radio, c'était The Flute. Son que des auditeurs nous ont fait découvrir d'ailleurs il y a 2 semaines. Depuis ça passe sur Fun, donc merci à vous. Le prince Nadia qui dit moi j'irai à Miami, j'espère y aller un jour, qui sait, il faut rêver dans la vie, mais pourquoi pas, hein. Et Megumi qui dit mon ex qui m'avait pissé dessus dans la nuit avait déjà eu une éjac nocturne. La classe mon ex. Ah Megumi, t'as le même t'as un point commun avec Sandro alors. Elle aussi, il y a un mec qui lui a pissé dessus pendant qu'il dormait. Ouais. Ça arrive, hein. Oui bah c'est ça m'est arrivé. Bah ça lui est arrivé, effectivement. Voilà, il se croyait aux toilettes. Voilà, exactement. Très classe, très très classe. Bon, avant de parler de la masturbation à nouveau, on va encore refaire un petit appel avec Toff là. Mais hein. Allons-y. Eh ben voilà, puisque je rappelle que. Donc il est conseillé de se masturber, hein. C'est une étude qu'on a trouvée dans un journal qui dit que c'est même très bon pour la santé, ça peut éviter les maladies. C'est ça. Voilà, donc on appelle depuis tout à l'heure pour prévenir des gens, même si ils sont un petit peu fermés au conseil. Mais je comprends pas pourquoi. Ben, je ne sais pas, ils sont réfractaires au conseil, je ne comprends pas pourquoi. Donc on y alors va. Il n'y a pas de raison. Mais il n'y a aucune raison donc. Allez, c'est parti, on y va, on appelle. Encore pour tenter d'aider, hein, comme d'habitude. Nous sommes là pour ça, pour aider, toujours. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Oui ? Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre femme se caressait de temps en temps. Ah, mais tu es fou. Ah, il s'est raccroché au nez lui-même, dis donc. Ouais, il s'est fait peur. Voilà, il s'est auto-raccroché au nez. Bon, on va le rappeler, hein. Il a peut-être fait une erreur, hein. Certainement. Petite erreur de manipulation de téléphone. Ou peut-être des trop grosses joues s'il a un écran tactile, tu vois. Oui, excusez-moi, je sais pas ce qui s'est passé, on a été coupé, monsieur. Ouais, mon gars, si c'est toi qui rappelles, je te promets que... De quoi, monsieur ? Je défonce ta chatte et des... Parce qu'il est bien connu que les homosexuels ont une chatte. Mais oui. Voilà. Force ta chatte. Ah, qu'il est con celui-là. Il est con, il est con. Bon, allez, on va rappeler. Il était bon celui-là. Allez. Force ta chatte. Allô. Oui, excusez-moi, c'est pas très gentil ça, monsieur. Ah oui, on sent qu'il est à bout. Pourtant, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Non, mais le... ah, il n'y a pas beaucoup de patience, lui. Hein. Ah, il a, autant on en a parfois qui sont assez longs, là. Autant lui, il n'avait pas beaucoup de patience. C'est dommage. C'est vraiment triste. Dommage. Ah bah oui, complètement, ouais. Bon, allez, on va récupérer Marianne maintenant. Jonathan et Emmanuel qui voulaient draguer Marianne. Thomas, on l'a perdu en cours de route. Tant pis pour lui. Jonathan, t'es là ? Il sait pas ce qu'il perd. Ouais. Bon, alors, Jonathan, tu voulais draguer Marianne. Elle a dit juste avant le son, là, qu'elle aimait ce qui était subtil là, au niveau de la drague. Ça va être dur, ça. Bon, alors Jonathan, on t'écoute. Oui. Salut Marianne, ça va? Ça va et toi? Est-ce que tu baises? Ah pardon. Du voir, ça te dit d'aller voir un petit verre? Oui, pourquoi pas, mais tu viens parce que j'ai pas de permis. Ah bah ça c'est pas le problème ça. Je te sucerai les seins. Tu m'héberges aussi pour le soir? De quoi? Je dis, tu m'héberges pour le soir aussi. Oui, oui. Attendez, je sors le père de mes gosses. Ça dépend de comment se passe la soirée. Oh, tu pourrais pas me toucher un peu de... Dis-moi, dans ton petit coin, tu connais des endroits qui sont sympas pour toi? Je te sucerai le sang et tout, tu verras. Ah bah, avec le sac que j'y ouvre. Non, il n'y a pas vraiment de truc à faire par chez moi, c'est pourri. Oh, arrête, tu me fais manger. Ah bon? Oh, bah, on ira se promener un peu, si tu veux. Oh, tu aimes le sperme? Il n'y a pas de verre au cul, non? Ouais, moi, comme j'ai branlé 3-4 fois, c'est tout. Hein. Quand on quitte Tori, on va jouer tous les deux la marelle. Beaucoup de branlés, je pense. Oh, écoute, écoute. Ah oui, après tu prends mon chemin et puis tu guides. Hein. Et puis tu guides. Hein. Oh, je vais sortir le père de mes gosses. C'est ça. Je vais le faire pleurer. Oui, on n'a pas le père des gosses, c'est dommage. Bon, il faut draguer là. Allez, drague. Hein, bah, c'est dur. Bah, c'est dur. En plus, je te mets Gilou qui t'aide là. Allez, gros bâtard. Ah, moi, je fais pas le coup. Il te lance le Gilou là. Mais oui, il te lance là, il te met bien là. Ouais, ouais, mais moi je fais pas le poids contre Gilou. Te drive. Bah oui, mais bon. Je te sucerai le sang et tout, tu vois. Non, mais c'est vrai. On allez, vas-y, d'aller vas-y. Mettre une carotte dans la allez, réserve de Carrefour. Allez, sois en forme. En ce moment, t'as un peu de cotine sur les bords Un peu. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Je te sucerai le sang. Très intéressant, ça. Et ils en peuvent plus de Gilou. Ah, mais attends, c'est notre mascotte. Mais d'ivoire, on pourrait faire un petit restaurant aussi après. Oh, arrête de me faire manger. Si tu veux. Et je crois que c'est l'aimerait que tu sois un peu plus cash, quoi. Ouais, je pense, ouais. Il y a un moment, vas-y, attaque. Regarde, tu fais comme moi, tu vois. C'est-à-dire que. Alors, par exemple, si. Est-ce que t'aimes bien la musique, dis-moi, Marianne? Ah, bah oui, largement. Ah, bah oui, tu veux que je te fasse une petite chanson? J'ai la guitare et je te chante un petit peu du début. Ok, d'accord. T'es sûr, hein? Oui. Bon, alors attends. Non, je m'écarte un peu du micro. Attends, voilà. Ça prend un peu de la place, la guitare. Forcément. Voilà. Alors, elle est accordée en ré majeur. 3, 4. Genre. Quoi genre? Voilà. Je suis joué la guitare. Attends, je vais même te chanter un peu. Attends, faut que je prenne la voix aiguë un peu. Oh, magnifique, Mickaël, c'est beau. Attends, je te fais même le refrain, attends, bouge pas. Allez, refrain, attention, 3, 4. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? C'est quand même pas mal. Quel talent, tu chantes trop bien, Mickaël. Ouais, je te remercie. Mais arrête bah, arrête de me dire ça. Arrête de me faire manger. Tu disais quoi, Jonathan? Bon, là, je t'ai mis la barre haute, hein, parce que chanteur et guitariste, c'est tendu. Hein. Ah non, mais au pire, on te laisse jouer avec la guitare, puis moi, je m'occuperai. Dis donc, et tu vas mettre une pièce dans le chapeau après? Hein? Comment ça se passe? Non, ça y va. Et en plus, je suis pianiste également. Mais bon, après, ça s'en... Oui, tu dis? Qu'on passe la soirée ensemble, hein, au pire. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà, oui. Vous faites une petite soirée resto, moi, je vous fais un petit coup de piano. Ouais, voilà, en même temps. Non, je pense que ça peut être pas mal, hein. Bah ouais. Bah, oui, moi je pense. Hein. Une bonne soirée, Dancefloor. Je préfère la guitare. Tu préfères la guitare? Oh, arrête de me faire manger. D'accord, ok, très bien. Bon, bah si tu veux, hein, moi je peux venir vous jouer un peu de guitare. Enfin, c'est surtout pour le doigté hein, qu'elle préfère la guitare. Ah oui, c'est vrai, oui. Mais le problème avec la guitare, c'est que du coup, ça fait. Le bout des doigts est un peu dur. Mais justement, c'est ça qui est bon, c'est un peu râpeux pour le clito, c'est parfait. Ouais, il faut voir après. Moi, je suis assez agile avec ma langue. Alors, ça, ah, tu es agile avec ta langue. D'accord, bah, c'est intéressant ouais. Ça. Et bah écoute très bien. Alors bon, on a toujours Jean-Pierre Sauzère qui est avec nous également. Est-ce que tu veux un vrai chanteur, Marianne? Parce que bon, moi ouais. je suis un imposteur par rapport à lui évidemment. Jean-Pierre. Oui. Comment ça va mon gars? Très bien. Et toi? Bah, super bien. Bah on est content de t'avoir, Jean-Pierre. Oui. Bah oui évidemment. Dis-moi, hey, Jean-Pierre, c'est vrai que bon, c'est une question un peu personnelle, mais est-ce que t'es avec quelqu'un, Jean-Pierre? T'es vaginal ou clitoridien? Mais non. Est-ce que tu sors avec quelqu'un? Ouais, non, je suis avec ma copine. Ah, t'as une meuf. On n'est pas vraiment ensemble, mais bon, c'est pas grave. Et Sandro, comment ça va? Elle va pas devenir mon manager, hein. Mais Sandro, devenir ton manager, elle va essayer de se manager elle-même. Et après, ça ira mieux. Elle va déjà essayer de se rappeler voilà. Où elle a rendez-vous dans une demi-heure. Voilà, et c'est ça. Comment dire? Tu pourrais pas m'avoir un iPhone 5? 5? Un iPhone 5. Ah, un iPhone, bah, ça existe plus, les iPhone 5. Bah, il y a quoi maintenant? Bah, le C. Un petit 5S. Voilà, il y a le C, il y a le S, mais... ça veut dire que c'est un autre quoi, donc ouais, le 5. On envoie un autre, voilà. Ouais, mais enfin bon, il n'y a pas marqué Carrefour sur ma troisième, c'est pas la fac, non, hein, Jean-Pierre. Non, mais moi j'en ai plus de portable, il déconne le mien. Bah tant mieux, on va t'envoyer un iPhone en chocolat. Comme ça, au moins, on pourra se communiquer. Ah bah, mais non, on me communique très bien, regarde, t'es souvent à l'antenne. Et comment dire, Ezigout RTL, tu l'as eu? Ouais, comment, Is No Good? Non, Zégut. Oui, alors on l'a vu tout à l'heure à la cantine. Bah, j'espère qu'il va passer demain. Là. Il y a un moment, il faudrait qu'il passe, pas qu'il traîne. Is No Good. Il faudra pas qu'il traîne. En tout cas, on a ton nouveau single. Ça ouais. Y est, on l'a avec un bon son là. Est-ce qu'on peut communiquer? Oui, alors iTunes, j'ai fait un mail, mais tu sais que ça fait 2 mois que j'ai mis l'application Mickaël No Limit en validation et ça traîne encore, donc j'attends là. J'attends. Okay. Mais il faudrait. Bah, sinon, j'aurais passé un bonjour à Madame Dénin de la radio, je sais qu'elle nous écoute, bah ouais, bah enfin bon, et à Vincent donc, et à toute l'équipe. C'est pas le seul service ici. Non, mais bon. Bah enfin bon, alors le nouveau single. Super disco, super son, écho d'acier, volume à fond, la sono nous fera vibrer. Mon Dieu. Ah oh, c'est JB, il va être content. Mais ça c'est le son d'Oxford ça. Non mais ça c'est remasterisé alors parce qu'on avait eu avec un son qui n'était pas remasterisé. Bah non ça... non mais j'en ai 3 versions plus une nouvelle qui est faite. Ah bon d'accord, donc là c'est la version qui est remasterisée mais il y a encore une nouvelle qui va arriver. Ouais mais je devrais pas enregistrer mais une nouvelle musique qu'on fait ouais. D'accord, ok. À la façon David Guetta. Là. Ah oui à la façon. Parce que là on n'est pas encore en façon David Guetta là. Ouais, enfin là c'est plus non, David Guetta. Bon hein. Bah j'ai un producteur qui va me signer bientôt, donc bon, bah, il super. Va trouver des musiciens, puis non, on va génial. Faire, d'accord. Bah, bientôt sur l'échelle du temps, c'est quand? Ouais, tu sais déjà, t'as pas de date à nous donner? Pour un concert, non? Non, pas pour le concert, pour avoir la nouvelle version de Super Disco avec en version non, David là, Guetta. Pour l'instant, j'ai pas de date à donner parce que j'ai pas rappelé le compositeur. Là. D'accord. C'est les fêtes de Noël. Et mais ce serait bien, ça aurait été bien qu'il se magne et tout pour les fêtes de Noël. Mais bon, et je rappelle qu'il y a toujours celui-là et j'espère qu'il va bientôt être disponible sur iTunes. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le chapelier fou veut me croquer les orteils. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le chapelier fou veut me croquer les orteils. Oh, c'est dégueulasse, voilà. C'était dégueulasse. Donc dites-nous lequel vous voulez entendre. On va vous en mettre un ce soir avant la fin de l'émission. Est-ce que vous préférez entendre Jean-Pierre Sauzère avec Jean-Pierre in Wonderland? Donc c'est celui qu'on vient d'écouter à l'instant. Ou alors Super Disco, le nouveau single donc de Jean-Pierre Sauzère. Enfin en tout cas nouvelle version remasterisée donc de Jean-Pierre Sauzère. Lequel des deux vous voulez entendre? Vous mettez le hashtag Mickaël sur le Twitter. Vous mettez également vos messages sur le Facebook. Ou alors vous envoyez Mickaël suivi de votre message donc au 64 900 ou au 30 40. 44 depuis la Belgique. Donc Jean-Pierre, une Wonderland ou alors Super Disco. Ouais, moi j'ai une petite préférence pour Super Disco, mais je voulais savoir s'il allait écrire des nouvelles chansons bientôt. Ouais, parce que ça c'est de la récup quand même, hein, parce que ouais. Max les passait déjà avant. Parce que tu sais, on croirait tu sais, ces artistes des années 80 qui ont fait un disque mais qui te le remasterisent 10 fois. Non mais il y en a plein. Et puis il y a aussi pour n'oublie pas qu'il faut me rechanter aussi pour. Bon on a le temps, mais bon, pour la fête de la musique, il va falloir rechanter la fête de la musique, Jean-Pierre. Hein. Oui bien sûr. D'accord. Okay. Je voulais te dire que j'ai en version produit fini, je cherche un producteur qui n'a jamais passé sur Fun Radio, même. Non, mais il faut me l'envoyer. Bah je dirais à Vincent qui t'envoie. Bon bah très bien, parfait, Vincent son manager. Donc bah très bien, alors parfait. Donc dites-nous lequel vous voulez entendre, Jean-Pierre in Wonderland ou alors Super Disco. Jean-Pierre, demain on essaye d'avoir Francis Zégut. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un animateur qui travaille sur RTL2, la petite sœur de Fun Radio, qui est une légende du rock'n'roll. Je lui ai parlé de toi Jean-Pierre, il avait l'air intéressé. Ouais. Donc j'espère qu'on va arriver à le faire venir demain. Lui il fait une émission de 21h à minuit, donc j'espère qu'on l'aura vers minuit, minuit et demi. Ok. Et d'accord. En plus, Echo de Rock, il fait des missions rock, on peut t'envoyer Echo de Rock. Bien sûr, bah évidemment. Il y a Christopher qui lui proposait à JP de faire une nouvelle chanson pour la Coupe du Monde. Bah oui putain, c'est l'occasion ça. Oui, oui mais écoute, j'en ai déjà fait une, c'est Franck Ribéry, elle est faite. Ah elle est faite. Ouais. Bah on fait un petit morceau là. Il faut me l'envoyer. Ouais, le petit morceau c'est il est génial le môme quand il a la balle au pied. Vas-y, Francky, voilà, etc. Ah ouais, oh là là. Mais il faut nous l'envoyer, Jean-Pierre. Hein, là, Ouais, mais je dirais à Vincent qui te l'envoie, mais bon. Ça fait partie du troisième album qu'on fait. Ah, le troisième déjà. Ce ne sont que des maquettes. Hein. Ben, je sais bien, mais il y en a une qui va, à mon avis, faire l'étincelle, quoi. Bah oui. Ah, il y en a une qui va décoller, parce que je sais que j'ai mon producteur qui me signe, j'en dis pas plus pour l'instant. Non, oulala, surtout n'en dis pas plus, parce qu'après, ça va porter la poisse. Voilà. Voilà, donc, bon, écoute. Bon, Jean-Pierre, j'espère te récupérer demain avec Francis Zégut. Bah oui, ça serait bien. Bah j'espère. J'ai pas vu lui. Bah en plus, bah lui aussi nous a demandé des nouvelles. Et c'est grâce à Max. Bah je sais bien. Et je passe le bonjour aussi à Max. Voilà, qui m'écoute. Bah en plus, je sais qu'il écoute aussi l'émission, donc on embrasse Max, le Star System de Fun à l'époque. Bon, salut Jean-Pierre, ouais, merci. Salut Michael. Et le téléphone, ça y a ça. Alors tu sais quoi, Jean-Pierre? Ouais. Je m'engage. J'irai voir le service cadeau demain, voir s'il reste pas un vieux téléphone sans fil qui fait pas ce putain de sifflement quand on t'a au téléphone, c'est insupportable. Oui. Ce serait bien un petit cadeau, un petit téléphone sans fil. Ouais. Un nouveau, hein. Donc, attention, un pas un téléphone. Sans fil, un fixe. Un fixe, sans fil. Une cabine téléphonique. Ouais. Bah, n'importe quoi, mais cabine, faut, ouais. Juste pour enlever le bruit, quoi. Ouais, mais si tu peux m'avoir un iPhone, tu vois. Oui, oui, bah, bien sûr, mais je peux t'avoir un Z-phone. Ok. Ça, c'est un smartphone. Oui, oui, bah, très bien, bah, un téléphone intelligent, quoi. Ouais, mais. Parfait. Un HTC, c'est pas mal aussi, non? C'est bien aussi, ouais. Bon, Jean-Pierre, je te renvoie chez Sandro au standard, d'accord? Ok, ouais. Bon, allez, salut, Jean-Pierre. Marianne, t'écouterais quoi, toi, comme chanson de Jean-Pierre Sauzère, là? Jean-Pierre in Wonderland, comme il dit, ou alors Super Disco? Jean-Pierre in Wonderland. Une Wonderland, bien sûr. Et toi, Jonathan? La première aussi. Ah non, la première, c'est Super Disco qu'on l'a mis. Non, bah l'autre. Alors, Jean-Pierre in Wonderland. Et toi, Thomas, qui est avec nous, qu'on a récupéré de Paris, là? Ouais, pareil. Ah, une Wonderland aussi. J'ai et, une idée. Et vas-y. Est-ce qu'on pourrait pas produire, mais ça reste entre nous, hein. Ouais. Jean-Pierre, on pourrait pas le produire en Corée? Nous ont bien fait chier avec le Gangnam Style. Ah bah oui. Mais alors on va au nord alors. On va au nord, on va se faire des couilles en or. Ah ouais. On se prend des obus dans le cul surtout. Ouais mais je pense que ça va marcher là. Ouais pourquoi pas. Et t'imagines chanson, quand là. Il va balancer la bombe atomique. Ouais. Attention, à la place de lancer la bombe sale, il faut envoyer le disque. On va tous finir pendus, ouais. Ah exactement, ouais. Oh là là. Bon, Thomas. Ouais. Bon, dans quelques minutes, juste après le son de Britney Spears, le nouveau Till It's Gone, tu vas tenter de draguer Marianne. On va également récupérer Aurélien qui voulait parler de la masturbation. On fera encore des appels avec Toff. Et donc, vous restez tous là. Marianne, est-ce que Jonathan t'a convaincu pour l'instant? Ça va. Ça va. Bon, on va voir si Thomas fera mieux dans quelques minutes. Ne bougez pas, on s'écoute le Britney maintenant. Il est 1h47, c'est la nuit sans pub sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit, bienvenue. I'm blind from the tears that fall like rain. So long. Britney Spears sur Fun Radio, Till It's Gone. Bienvenue si vous arrivez, il est 1h50. Il y a Marco qui dit trop de drogue, tu la drogue pour JP. Christophe qui dit il peut pas offrir quelques albums dédicacés, lol. Et Tom qui dit Marianne, donne ton Facebook. Bon, Marianne, il y en a plein qui sont en chien pour toi, ça, comme tu as pu le remarquer. Hein. Mais on va d'abord prendre Thomas qui voulait te draguer également, comme ça on va en terminer. Tu feras ton choix. Enfin, t'es pas obligé d'en faire un, hein. Tu peux dire allez vous faire enculer tous les deux. Hein. T'es pas obligé d'en faire. Tu peux prendre les deux aussi. Et tu peux prendre les deux bien aussi. Bien sûr, c'est vrai. Une cochonne, tu peux prendre les au deux. Pire, oui. Au pire, effectivement, tout est possible. Bon, alors Thomas. Ouais. Bon, alors, t'as bien compris le concept. Hein. J'ai joué un peu de guitare, ça l'a fait craquer. Tranquille. Voilà, donc après à toi de jouer. L'aime les mecs qui sont plutôt directs. Enfin direct, subtils, plutôt ça. Pas de soucis. Bon, bah écoute, bah vas-y Thomas, hein, c'est-à-dire que l'autoroute est là, elle est vide, à toi de jouer. Bah déjà je me présente, hein, donc Thomas, 19 ans, espagnol, 1m85, 75 kilos, bien dessiné, je fais du foot depuis que j'ai 14 ans. Maintenant, moi je te dis, si on se voit, c'est pas pour se regarder dans le blanc des yeux, hein, ce sera un petit resto, sympa. Après ce après, sera... Après il te montrera le loup et... Resto c'est quoi, après, McDo ce sera... ou Quick? Non, on parle pas des vieux restos de merde, hein. Un petit resto sympa, j'ai pas de nom en tête pour Flunch. L'instant, mais... Hein? Flunch? Mais c'était ça. La volonté, mec, Dieu, la volonté. Ah, tu m'étonnes, tu sers pas de meuf, toi, en fait, c'est... Arrête de te la raconter, je crois que je sers plus de meuf que toi, en fait. Oh, mais... Toi et moi, on fait un clash de la drague, y'a pas de soucis. Y'a pas de clash de la drague, je sais déjà que t'es mort. Bon, allez, vas-y, continue, footballeur, minable, vas-y. Donc maintenant, je suis footballeur, j'ai pas de cerveau. Je rappelle que Paul a fait du football ce week-end. Ouais, une fois dans ma vie, c'est vrai, c'est jamais. Il a coupé les oranges pour la mi-temps. C'est ça, ouais. On va les mettre dans la gueule, les oranges. Bon, allez, Thomas. Et si on se voit, c'est pas pour se regarder dans le blanc des yeux. Je te dis, c'est soit l'hôtel, soit je sais pas où, mais. Mais voilà, moi je suis cash, hein, je te le dis. Ah oui, ça on a bien remarqué que t'étais cash, hein. Ouais, mais il a raison. Ah, il tourne pas autour du pot, lui, hein. Je tourne pas autour du pot, je passe pas par quatre chemins, moi je vais droit au but. Maintenant, tu m'intéresses. Oh, les LOM. Je te dis à toi de voir s'il y a moyen. Ouais, moi ça m'intéresse aussi. Donc t'es chaude comme ça, toi. Écoute. Bah écoute, je crois que vous vous êtes trouvé, hein. Apparemment. Ouais, l'homme de ma vie. Donc c'est vrai, alors, cette théorie, hein. La théorie que ça sert effectivement plus à rien de entre guillemets d'être romantique. Faut y arriver comme des bourrins. Salut, j'ai envie de te baiser, d'accord? Non. Oui, ok, c'est génial, viens. Viens, j'écarte les jambes, je t'attends. C'est ouf quand même. Non, je suis pas comme ça non plus, je suis pas non plus une pute, hein. Non, mais je dis pas ça, dans le sens où vous préférez toi en l'occurrence, préférez les mecs cash, j'arrive, ouais, de toute façon moi je suis comme ci, comme ça, viens on se voit et tout, on se fait un resto, puis on va niquer. Pas toutes les filles. Oui, bon, on a compris qu'il y avait Sandro qui cherchait encore. C'est pas la seule que je connaisse qui aime les mecs, cash, hein. Ah ouais. Bon. Ouais, c'est. Voilà, il y a des meufs, elles veulent qu'on soit romantique, nanani, nanana, mais ça c'est tiré des Walt Disney, ça, c'est fini tout ça. C'est fini, bah oui, c'est mais non, après, c'est l'avenir, il est beau, hein. Ouais, c'est clair. Ouais. Il y a l'après, on est d'accord, mais voilà, il y a un moment où stop, faut mais même dans Walt Disney, la mère à Bambi, elle se fait déchirer, hein. Bon, Marianne. Oui. Bon, faut choisir maintenant, Jonathan ou Thomas ou les deux ou aucun des deux. Dis-moi. Sans vouloir faire de peine à Jonathan, je prendrais bien Thomas. Jonathan, mais il s'est suicidé lui, hein. Ouais, il s'est pendu. Non. Jonathan, il est dégoûté. Eh ben. Petit enculé. Voilà, c'est perdu, hein. Ah, mais au pire, elle aurait pu prendre les deux. Hein, oui, c'est au pire, mais après, elle a choisi. Hein, ça, on l'a pas forcé. Hein, mais peut-être... Toi, fils de pute d'enculé de ta grand-mère. Non, c'est pas pour toi maintenant. Ah bon, pardon. Non. Donc, Jonathan, je te remercie de passer. Non, parce que je voulais savoir s'il était adepte de la double peinée, mais après. Bah, visiblement pas, sinon, elle aurait choisi les deux. N'est-ce pas? Ouais, qui est en train de se branler, là, derrière, là? Hein? Il y en a un qui est en train. Je te chuche. Eh ouais, hein, qui est en train de se branler là? C'est pas moi en tout cas. Je te sucerai le sang et tout. Oh Gilou, qu'est-ce qu'il fait là? Il est chaud. Bah oui, il est chaud là. Bon Jonathan, tu retournes chez Sandro au standard, je te souhaite une bonne nuit. Merci. Salut Jonathan, il est déçu. Bah oui, mais qu'est-ce que tu sais, comme ça. Hein. C'est la Thomas, eh ben écoute, toutes mes félicitations. Hein, on va te repasser on va te repasser Marianne et puis on va lui filer ton numéro et puis elle te rappelle si elle le veut. D'accord, bah écoute, fini. Ouais, je suis là. Donc, c'est bien toi qui étais en train de te branler. Non, non, okay. Mais non, je suis dehors, je suis en train de me geler le cul dehors. Ouais, là, ouais, ouais. Et donc pour te réchauffer, t'es en train de te taper une petite... N'importe quoi. Non, arrête ton cinéma. Bah oui. Bon, eh ben Thomas et Marianne... Attends, vite fait. Eh, Toff. Ouais. Toi et moi, c'est quand tu veux. Pour... Parce que moi les mecs, enfin vite fait quoi, tu vois. Non mais t'inquiète, j'ai une croix. Ah bah d'accord alors. Oh il va te la mettre dans le fion, tu vas voir la croix, ça va être bon ça. Ça va être très bon. Bon salut Thomas, salut Marianne, gros bisous à vous deux. Salut l'équipe. Ciao, bye bye, à bientôt. Il y a Aurélien également qui voulait réagir sur la masturbation avant qu'on fasse le dernier appel de ce soir là. Salut à toi Aurélien, comment vas-tu? Aurélien? Oh bah du coup nous avons perdu. Bah c'est pas grave, tant pis, on va faire l'appel directement. Alors et pas de soucis, puis on fera le top tweetos. Et on fera le top tweetos. On fait le dernier appel maintenant donc hein, c'est parti. Allons-y. Allez hop. Toujours pour prévenir que la masturbation est bonne pour la santé. Allez. Allô. Oui bonsoir monsieur. Oui bonsoir. Oui bonsoir, voilà, en fait je vous appelle parce que je voulais savoir si votre femme se caressait de temps en temps. J'ai pas compris ce qu'on a dit là. Est-ce que votre femme se caresse de temps en temps? Et votre cousine, elle se caresse à quand? Ah, ça je sais pas monsieur, je lui ai pas demandé. La cousine, tiens, on l'avait jamais essayé avec la cousine. T'as. C'est ouf, ils vont vraiment passer toute la famille. Ouais, toute là. La famille va être là, tiens. Et l'arrière-arrière-grand-mère alors? Je la déterre. Pas connu, monsieur. Bon, on le rappelle. La cousine, c'est mignon. Pour une fois, ça change. Ah, décroche plus maintenant. Bah alors? Eh ben, il n'y a plus personne. Définitivement. Bonjour. Oh, je suis désolé, t'es bien parti en plus avec... Je suis déçu. Enfin bon. Bon, du coup, est-ce que sur Twitter et Facebook, là, ils sont plutôt chauds pour quel morceau de Jean-Pierre? Yves Wonderland ou mais Super Disco? Non, les deux. Ah non, bah non, moi je dis qu'on mette les deux. Non, super pas disco, ce soir, alors. Pas ce soir. Un des deux ce soir, mais pas les deux. Super disco, ouais. Super disco, ouais. Bon. Ou alors on met Wonderland et on met super disco demain. Comme ça on le met avec Zégut s'il vient. Ok. Ouais, bon, c'est peut-être mieux, c'est peut-être plus sûr. Hein. Ouais. Faisons ça, on est des professionnels de la radio. Mettons plutôt les morceaux les tubes, tu vois. Les gros hits, et après on mettra une nouveauté demain. C'est ce qu'on nous a appris à la prog. Voilà, c'est ça. Comme ça on l'intercalera entre un Britney Spears et un. C'est un Gold en fait. Voilà, et un Drake. C'est ça. Moi je serais gentil au milieu. Dans cette émission, on cassait les codes. Ouais, bah écoute, on va pas trop longtemps. Bon, 1h58, 9 même, on est à la fin de l'émission, on va sur le top tweet aussi, on va savoir enfin qui va repartir déjà avec le God, bien entendu, le Sépar. Passage du désir.fr. Voilà, et on va également savoir quels sont les 5 premiers. Alors, attention, on y va. Alors, donc numéro 5, Fred S. Numéro 4, Elliot. Allez, numéro 3, Cédric. Numéro 2, DJ Roms. Et numéro 1, hélas, let's be freaks. Bah hélas, dans le sens où il a déjà gagné. Bah oui. Bah oui, du coup qui gagne alors? Parce que j'ai dit que comme let's be freaks avait déjà gagné, du coup on filerait à celui qui n'a pas encore gagné dans les premiers. Bah je pense que c'est DJ Roms qui n'a pas encore gagné. DJ Roms, je crois également, effectivement, qui n'a pas encore gagné. Bah très bien, parfait. Bon, bah DJ Roms. Dans toute la France d'ailleurs, je le rappelle. De quoi? Avec sa caravane. Bien sûr, tout à fait. Bon, il a fait deux fois déjà. La première fois, il l'a placé, je lui ai rendu service, je ne l'ai pas relevé. Ouais. La deuxième fois, il se la remet dedans, tu vois, tout seul. Ouais, mais j'ai bien aimé. Ouais, ouais, bah on a bien vu ça, effectivement. C'est le comité de répétition, ça s'appelle. Ça doit être ça. Vraiment une merde. Ça doit être ça. Bon, bah voilà, donc pour le top tweeto, ça y est, c'est fait. On reviendra demain, évidemment, dès 23h encore avec une PlayStation 4, avec le top tweeto. Également, il y a le Bufféry qui dit: moi Sandro, je la trouve très séduisante. Elle ressemble à une déesse et je ne comprends pas qu'elle soit encore seule. J'ai de la peine pour elle, dommage. Je suis marié. Ah oui, tu c'est la con, connais ouais. pas. Je suis marié, ouais. Fini. Il y a Benoît qui dit: Mickaël, elle a vraiment chaud. Elle prend n'importe quoi, tout ce qui passe. Et Fatih qui dit: les filles aiment les mecs direct, c'est malheureux. Et le prince, c'est-à-dire qui dit: bon, Thomas est bien dessiné. Souhaitons que ce ne soit pas qu'un brouillon. Effectivement. Et Megumi qui dit: bien dessiné, le mec s'est pris pour Sangoku dans Dragon Ball Z. Et Steve aussi, Jonathan est à la ramasse, elle va se faire chier Marianne, et merci à toute l'équipe, je vous kiffe. Je vous écoute tous les soirs du taf, c'est Sébastien d'Annecy. Merci Sébastien, en tout cas, merci beaucoup. Et Marisa qui dit: j'aimerais partir aux Bahamas avec toi Mickaël. Écoute, avec plaisir, pour les Bahamas, sans problème. En plus je connais bien, j'ai ma maison secondaire là-bas. Alex qui dit aussi: moi c'est pareil que toi Mickaël, sauf que j'avais l'envie par le cul, c'est dégueulasse. J'avais l'envie par le cul. Je sais pas de quoi ça réagit. C'est un message que j'ai reçu il y a longtemps, donc du coup je viens de le voir que maintenant, j'en suis désolé. On va se mettre, comme promis, le générique de fin. Alors attention évidemment, vous êtes prêts? Ouais. Allez. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, t'as te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton oncle. Seul que cul comme toi, ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car t'encules ton oncle, c'est un enculé. Non mais on va manger, il y a pas de toute la journée. Je bug. Eh oui. Combien? Mais c'est parce qu'il a fait, il a fait un peu de il foot est au alors. Bout de sa vie. Il a fait un peu de foot alors il est fatigué. C'est un enculé. Il a au pied dans le studio le salon. Qu'est-ce qui se passe ici? Je sucerai les chats. Quel cauchemar. Que veux-tu? Il est canadien. Le gros connard va te faire enculer. Va te faire enculer toi. Va là, alors, j'allais dire va te faire enculer. Va l'enculer, va l'enculer, toi l'enculé. Allez. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. C'est toi l'enculé. Tellement ça te fait enculer. Toi Christophe, t'es un enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés. C'est vrai. Et ben voilà, comme d'habitude. Merci Lilou. Bon bah 2h02, on se mettra donc le Jean-Pierre Sauzère, bien entendu. Je vous avais promis le nouveau single demain, ouais. Attention, ça va être du... Ça va pas être lourd, ça va être très lourd. Ouais. On ne peut plus lourd. Donc soyez bien à l'écoute de Fun Radio, bien entendu. Demain, dès 23h, ça va être énormissime. Je vous le dis. Non mais je vous le dis. On te fait confiance. Je vous le dis. Je remercie également tous ceux qui étaient connectés ce soir. Il y en avait beaucoup, hein. Je vais pas tous vous citer évidemment. Pascal Le Prince, Nadia, DJ Rome qui vient de choper son sextoy. Il va s'amuser avec DJ Rome ça. Il y a Christophe également, Abdel, il y avait Cédric, il y avait Cédric du 5-9. Il y en avait plein aussi sur le Facebook et le Twitter. On est quasiment 300 000 hein, sur le Facebook là en presque 5 mois. Merci beaucoup. Ça a monté une vitesse grand V, en tout cas grâce à vous, hein, puisque vous avez enfin compris, en passant le message à tout le monde, que dorénavant, il se passait enfin quelque chose à la radio. Entre 23h et 2h du mat. Donc merci beaucoup, le dimanche de 20h à minuit également. Et rencard demain dès 23h sur Fun Radio. Elle va te faire enculer au clochard. Fun Radio. Nickel, nos limites, nos limites. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et notre ami JB dans la radio. Oh, oui. Oh, oh, oh. Je te sucerai le JB. Dis donc, Polo. Non, c'est Gilou. Alors, comment va Jean-Baptiste? Jean-Baptiste. Donc je tiens à remercier une fille qu'on a rencontrée ce week-end qui s'appelle Anne qui bosse pour Fun Radio dans le sud de la France. Ouais. Avec qui nous avons c'est une nouvelle histoire d'amour avec Polo. C'est-à-dire que ça a été tellement électrique que j'ai cru à un moment que voir des étincelles, mais pas d'amour, hein, de enfin bref. On aime rien, on n'a rien en commun. C'est un truc de dingue. En fait, si le point que vous avez en commun, c'est de rien avoir en commun. C'est ça. Voilà, c'est beau. Ouais, c'est magnifique. Elle nous a parlé de toi. Ouais, alors évidemment, donc elle nous a parlé de JB qui a commencé, qui a fait ses armes sur Fun Radio à Toulouse, la ville rose. Ouais, c'est ma ville. Ouais, les gars, c'est la ville. C'est la ville. Exactement. Et donc, du coup, voilà. Donc, on s'est rendu compte en fait que je sens qu'il y a un dos qui va arriver, mais je sais pas quand. Il va arriver, mais je vais pas le mettre ce soir parce que je sais que tu l'attends. Donc, je vais te le mettre un soir quand tu t'y attendras pas. Comme un suppositoire. Tu vas l'avoir dans le cul. Tu vas. Voilà. En tout cas, sache que ta maman te protège. Je parle de Anne, bien sûr, pas de ta vraie mère. Et donc elle a pas arrêté de dire, parce qu'on t'a insulté tout le week-end, et chaque fois elle dit, arrêtez de l'insulter, arrêtez. On a tenté de l'appeler mille fois. Vendredi, voilà. C'est parce qu'en fait je faisais une sieste vendredi et je me réveille, 8 appels manqués. Et là je voulais pourrir dans la voiture. J'appelle, et puis je fais, salut Jean-Baptiste, c'est Mickaël. J'étais au fond du lit, j'ai fait, oh les gars. Oh putain, il faut chier là, que moi je suis dans la ville rose là, qu'est-ce que bon, c'est que ce bordel. Il y a un dossier donc qui arrive à tout moment. Mais qui peut arriver à tout moment, il vaut mieux faire. Mais genre c'est sonore. Toi. Non, c'est pas sonore. Non, c'est pas, tu verras. C'est odorant. C'est l'odorat, exactement. Ouais. Donc voilà, donc tu peux remercier Anne que nous avons rencontré ce week-end et qui. Elle a des dossiers. De quoi? Elle en a des dossiers. Parfait, je ne savais pas, mais maintenant je sais. Je vais de ce pas faire un chantage autre que celui que j'avais prévu de faire. C'est parfait. Mais j'en ai aussi sur elle, donc on peut. Ouais, mais t'inquiète pas. Bah, parfait. Ça m'intéresse, moi. Mais bon, la différence, c'est que les auditeurs ne la connaissent pas. Elle, tu vois. Tu peux lui dire, ouais, Anne, elle a fait ça. Au final, tout le monde s'en fout. Hein. Alors que toi, t'es une rostade. Alors que JB, c'est quand même l'animateur qui a fait plus 160% d'audience. Ouais. 166, numéro 1. Oui, 166, exactement. C'est beau, c'est beau. Et donc, ça ramène un peu là. Bon, on se retrouve demain en pleine forme. Bah, si tu veux. Eh ben écoute, bah si tu veux pas, tu peux pas, tu peux ne pas venir hein, si tu veux. Ah moi je serai là, après vous faites ce que vous voulez. D'accord, tu vas me perdre cet accent dégueulasse. Et on se quitte pour fêter ce plus 166% d'audience. Attends, pour fêter. Il y a quand même Bruno dans la radio. C'est ah vrai, oui, exactement. La France. Bruno dans la. Les mecs qui arrivent sur Fun Radio doivent se dire mais pourquoi là. Oh là là, et putain, c'est excitant un peu. T'as vu un peu? Non. Ça t'excite ça? Non. Un peu. Non, mais y'a pas de mal, hein. Oh, il est complètement... Tu peux faire pareil, Sandro? Fais pareil. Non. Allez, vas-y. Il est complètement perché. Il est complètement, complètement calme-toi, perché. Calme-toi, JB, calme-toi. Bon, allez, pour fêter cette audience, justement, c'est parti. Le son de Jean-Pierre Sauzère. Vous l'aviez demandé, Jean-Pierre, une Wonderland. Et demain, le nouveau single. Oh oh! Réclamé par single. JB. Voilà, qu'on mettra entre Britney Spears et Azé, à mon avis. Hein. Allez, à demain, tout le monde. C'est JB dans la nuit. JB dans la radio. À demain, deux pieds, allez. Bah oui, allez. Qu'est-ce qu'il est mauvais. Tu es enculé, toi. Espèce de pourri de patard. On est bon là. J'ai un champignon en forme de. Ah, on le met. Bravo, parfait. Je suis tombé dans la. Ah, bah on va le mettre. Ah, d'accord. Allez, c'est JB juste après. Hein. C'est après Jean-Pierre Sauzère. Tombé, mes cheveux avaient repoussé. Alors j'ai tout compris et je me suis dit. Le chapelier fou veut me croquer les orteils. Je suis Jean-Pierre, au pied de mes rêves. Le grand lapin blanc veut me croquer ma merveille. J'avais oublié mon fusil dans le coffre de ma Ferrari. Heureusement j'avais un chou-fleur, c'est utile en cas de malheur. C'est alors j'ai remarqué qu'un gros steak caché pendait à mes habits. Et je me suis dit. Et je me suis dit. Suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le chapelier fou veut me croquer les orteils. Suis Jean-Pierre, au pays de mes rêves. Le grand lapin blanc veut me croquer ma merveille. Sur Fun Radio dans JB la nuit. Ah non, c'était dans Mickaël la nuit. Non, non, non, non, c'était dans JB la nuit. Ah non, non, non. Si, si, c'était dans JB la nuit. Ah non, ah, ah non, si. Non. Ah non, parce que moi, mon contrat me dit. Ne m'oblige pas à appeler Anne. Non. Hein, ne m'oblige pas à appeler Anne. Attention. Le dossier qui va arriver ne, avant la ne fin de l'année. Ne m'oblige pas. Non, je t'oblige pas. Non, mais bah, très bien. Bon, je l'appellerai demain quand même, pour être sûr. Pour, déjà pour gratter un dossier. Ouais, merci. Je t'appelais comment déjà? Simone, merci Simone, voilà. Non, tu l'appelais maman. Non mais toi t'es Simone, faut le dire aux éditeurs. Ah ouais? Dans les couloirs, tout le monde t'appelle Simone. Tu vas suivre le monsieur habillé en blanc, il est très gentil, il te veut du bien, ne t'inquiète pas. Voilà. Allez. Merci Simone. Oui oui, c'est ça, allez, JB la nuit hein. Il est en pleine forme hein, il va nous passer de la bonne musique là hein. Ah oula, est-ce qu'il n'y a pas un petit tragédie qui arrive là? Ah non, il y a Camaro par contre. Oh, dommage. dommage. Moi qui aime tellement tragédie. Bon allez, peut-être avant 6h, ah, je sais pas. Ah, quelle chance. Merci Simone. Mais oui. Demain 23h, et merci. Puis là c'est Fédé Laurent. Merci beaucoup. Ça t'emmerde si je continue à parler, hein, parce que du coup il va falloir le remettre quoi. Non, mais voilà. Moi je cool, laisse. Quoi. Bah ouais, mais non, bah, remets-le. Attends, les auditeurs ils sont là et les pauvres là ils aiment bien. Bon, allez, maintenant démerde-toi. On sait toujours pas ce qu'il fait. Fédé quoi? Fédé. Aide-moi là, parce que là je suis dans une vanne et je sais pas où elle est là. Bah il fait des quoi? Il fait des ronds peut-être, on sait pas. Bon, allez, 6h pour nous dans la radio et fais le grand tout de suite. Merci. Lucas, le chef et le sous-sous-chef, là, c'était pour vous ce speak. Hein. Demain, ça peut gueuler dans le bureau, là. Je compte sur vous. Je vous l'enverrai, y a pas de problème. Allez, bonne nuit, bon courage avec JB la nuit. Hein. À demain juste après le Vin Fun. Ciao. Allez, faut partir. Oui, on y va là. Allez.